Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 105e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Tu nous as pas fait ton petit cri d'amour, Macho? Eh, c'est un. Je crois que je suis en avance. Parfait. Jusqu'au bout, tu vas me foirer le truc. Et c'est un scandale parce que voilà, ça fait un mois qu'on n'a pas fait d'émission, on est complètement à la bourre parce que maladie, parce que pas disponible, parce qu'on fait ce qu'on veut, hein, tout simplement. Donc voilà, bienvenue sur le nouveau podcast de VR for Player, le Autour d'un VR 105, un programme assez chargé quand même pour cette émission. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses qui ont été. Ouais, on va essayer d'aller vite, mais c'est pas gagné. Je pense que ceux qui aiment les gros podcasts et les grosses émissions de 3 heures vont pas être déçus. Faut le dire d'entrée d'ailleurs, hein, pour les autres, la version chapitrée. Hein. Et ceux qui trouvent que le podcast est trop long, en fait, avec ta petite souris, si tu veux, tu peux scroller en fait, et puis tac, tu vas au moment que tu veux et l'écouter en plusieurs fois. Et, ouais, et ça, c'est pas mal. Qui t'intéresse. Je vais accueillir tout de suite mes petits camarades, à commencer par Laurent. Salut Lolo. Ça va? Ça va et toi? Alors là, c'est bien cette fois-là parce que vous avez pas changé la date d'enregistrement, donc je peux venir. On n'a rien changé du tout. Tu commences pas. T'as complètement foiré. T'as pas du tout lu le Discord la dernière fois. Non. La dernière fois, ils me disent le jeudi et ils enregistrent le mercredi. Encore, c'est mort. Pas d'escroquerie. T'avais juste une semaine de retard sur le Discord. C'est ça. Il dit que c'est notre faute. Le mec, il manque pas d'air, quoi. Incroyable. Bon, ça va, Laurent? Oui, ça va. Il y a plein de jeux, pas forcément bien, qui sont sortis, mais dans le lot, il doit bien y en avoir deux, trois, pas mal. Ouais. Mais ça va, ouais. Ouais, bon, allez, on va voir, en tout cas, on va faire le tri, je pense qu'on va avoir à parler de quand même pas mal de choses pendant cette émission. Et ensuite, nous avons El Rocco, salut El. Salut petit pazouzou. Mais espèce de petit pazouzou, ça va bien? Ouais, au poil. Bon, juste aussi une petite précision, il y a un mois, on s'est pas embrouillé hein, sur pazouzou. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui ont pensé qu'on se foutait vraiment sur la gueule là-dessus. Non, c'est qu'on est deux et on aime que l'autre est tort. Vous êtes vraiment sûr qu'il s'appelle pazouzou dans l'Exorciste? On va pas recommencer. Vous pouvez zapper sur le chapitre suivant là directement. Voilà. Non, oui, il s'appelle Pazouzou, mais j'avais une cassette et c'était Bazouzeuse sur la cassette. Et je suis le seul apparemment à avoir cette cassette là. Il y a aucune chance que je prouve que j'avais raison. C'est un problème. Les films pirates québécois, je veux dire. Une cassette de 2000 que t'avais où tu as récupéré cette cassette. Effectivement, d'accord. Ensuite, nous avons Majo. Salut Majo, ça va bien? Et bonsoir tout le monde. Oui, bah écoute, ça va. Bon, je tiens à préciser pour ceux qui n'ont pas la vidéo et qui écoutent l'émission en podcast que tu es extrêmement élégant. Ouais, je me suis dit que pour être pris au sérieux, il fallait peut-être être bien habillé. Oh, j'avais même pas fait gaffe, il a mis une chemise. Il a mis une chemise, puis la petite chaîne et tout, il est très beau. Du coup, je me suis bien habillé, je me suis dit que peut-être on prendra un peu plus au sérieux quand on demande des jeux un peu plus... optimisé, hein? Ou entier, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu vas être extrêmement désagréable ce soir? Ça veut dire que ça va dépendre de mon humeur. Écoute, oui, bah pour l'instant ça va, je suis joyeux, mais ça peut vriller. L'humeur de Majo, c'est comme ma connexion internet en fait. Ouais, c'est ça. Ça va, et d'un coup ça part en couille. On sait pas. Voilà. Pour l'instant ça va, écoute, ça va. Il y a du bon et du moins bon. J'en profite pour rattraper mon retard. Comme je dis là, tu vois, j'ai fini R8, parce que je fais mon petit bilan à chaque démarrage de pod, donc j'en profite. J'ai fini R8. Alors, je suis sur le point de finir MOS 2. Tu vois. Combien tu lui mets de couches sur 10 à R8? Oh, de couches, j'avoue qu'on s'habitue. Il y a une scène, hein, je l'ai montré à tout le monde, donc du coup, pas de surprise, mais cette scène-là, je lui mets bien un bon 9 sur 10 quand même. Après, le reste du jeu, non, en termes de frayeur, c'est un 6,5, quoi. 7, c'est pas... Il fait le bonhomme, on a entendu tes petits cris. Hein. J'ai fini R8, quoi, tu vois, en VR. On va te faire un t-shirt mode easy. Je l'ai fait. Donc, non, c'est un excellent jeu. Je trêve de plaisanterie. C'est vrai que c'est pas un jeu qui fait peur, quoi. C'est un gros jeu d'action et c'est ça qui est bien. Voilà. Vivement RE4, qui a l'air d'ailleurs. Comme Resident 4, qui finalement aussi fait complètement dans la même veine parce que RE8, c'est la suite spirituelle directe de RE4. Hein. Dans le gameplay, ça sera différent. Il y a pas mal de choses visuellement qui ont l'air d'être abordées différemment. Bref, voilà, donc c'était un très bon jeu. Et là, voilà, je suis en train de finir MOS 2. Je suis dans le dernier acte de MOS 2. Autre ambiance. Exactement. Et d'ailleurs, on s'est bien foutu de notre gueule aussi avec MOS 2. Mais ça, on en a déjà parlé justement sur le downgrade. Et puis, on va appeler ça de l'optimisation pour machine plus faiblarde. Non, mais il peut y avoir ça, mais on parlait de la définition des jeux dans le casque. Là, on s'est bien foutu de notre gueule aussi. Ça aurait pu être mieux. C'est un petit peu. Est-ce que le sol bougeait chez toi? Oui, il y avait des petits décrochages de casque de temps en temps, mais bon, je me suis fait la remarque effectivement quand t'en parlais. Enfin, par rapport à ce que vous aviez parlé avec El Rocco de ce problème, ouais. Et non, là-dessus, rien. J'ai eu 2-3 décrochages de casque, mais rien de. Sur tout le jeu, rien de transcendant. On avait demandé à Polyarc pour ses décrochages et il nous avait dit qu'il n'y en avait pas, que c'était dû à. Peut-être à la luminosité ou je sais pas quoi là. Voilà. Allumez votre télé, il y aura moins de décrochages. Ben après, j'ai de très mauvaises. Sauf qu'il y en a plein qui ont eu des décrochages. Donc, J'ai de très mauvaises conditions de capture pour mon casque. J'ai trop de lumière en fait. Ça, j'avoue que c'est un des plus gros points faibles du PSVR 2 quand même. D'être obligé de jouer à la lumière et de quand il y en a trop, ben, c'est la galère. Bien, donc là, c'est la galère, quand il y en a trop, c'est la balade. Je rappelle qu'on est juste à l'intro, on n'a pas commencé encore l'émission. faut pas me lancer, moi. donc, en un mois, on a eu le temps de mettre 2-3 petites choses en place. Donc, autour d'un VR, le podcast que vous pouvez retrouver dans toutes les plateformes, les bonnes plateformes de podcast, que vous pouvez noter, ça nous aide beaucoup et ça vous coûte rien. Et pas sur Twitch, effectivement, on a eu plusieurs. Demande, les gens qui veulent suivre en fait l'émission en direct. Alors non, pour le moment en fait on fait pas de direct, mis à part lorsqu'il y a des vidéos de State of Play ou trucs comme ça en fait, voilà, où on fait des vidéos en direct, mais je vois pas bien l'intérêt en fait de les suivre avec nous, parce que vous pouvez les suivre directement sur YouTube avec nous. On n'a pas de chaîne Twitch. Ça peut être en discussion, on va voir après avec l'équipe, voir si on est chaud pour ça. En tout cas, se mettre à une web TV, c'est pas trop notre cam. Et puis on n'a pas le temps pour ça, tout simplement. On est trop vieux, et voilà, tout simplement, on est trop vieux, ça serait bien. Marc, t'auras du temps, ça y est, bientôt la retraite et tout. Bientôt, je t'emmerde. qu'est-ce que je voulais dire? Et donc du coup voilà, donc vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube bien évidemment, aussi commenter et puis vous abonner, mettre les pouces en l'air, nous remercier aussi, ça fait toujours plaisir. Donner votre avis sur ce qu'on fait. On va rebondir dessus après dans les émissions si on peut. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, le Tipeee, moi je voulais un petit peu, on le fait jamais, remercier les tipeurs qui nous aident vachement là justement sur le Discord. Vous pouvez aussi donc nous retrouver sur le Discord, chacun est le bienvenu dessus. En tout cas, si vous voulez pas faire votre pub gratos pour votre chaîne YouTube, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde est le bienvenu, dans le respect bien entendu des règles de bienséance. Mais je voulais quand même remercier principalement les tipeurs. Ils ont un channel dédié maintenant sur le Discord, justement pour pouvoir discuter avec nous, pour qu'on dévoile des trucs un peu plus internes à l'équipe. Et puis sur lequel aussi il y aura les photos perso, tout ça. Des photos perso, il y a un calendrier les dieux de la VR qui sera distribué, où on pourra poser nu chaque mois pour les tipeurs, que vous pourrez retrouver du coup sur le Discord. On va pas garantir que tous les mois ça sera très intéressant et très excitant, hein, Majo. Mais voilà, non, sérieusement en fait, voilà. Donc il y a ce channel là qui a été mis en place. On va pouvoir faire gagner. L'hiver arrive. Voilà. Va falloir se tenir chaud. Va y avoir des clés à gagner, je pense, pour les tipeurs. On a envie de les mettre en avant. On a envie de les remercier pour leur soutien, principalement financier, parce qu'un site internet ça coûte des sous. Du matos, ça coûte des sous, et que finalement le temps aussi qu'on passe sur le site, ça nous coûte aussi mine de rien. Donc voilà, pour ça les remercier, coûte, voilà, on va faire gagner des jeux, on va peut-être mettre en place des petits événements, on sait pas encore tout à fait quoi. J'ai pas envie de faire des promesses en l'air non plus, mais voilà, en tout cas on va y réfléchir, on va en discuter avec l'équipe. Dans l'idée, c'est ça. Tout simplement, voilà, mettre en avant et remercier les tipeurs, ça nous tient à cœur. Et voilà, c'est notre façon de les remercier, et c'est normal quoi. Donc voilà, on remercie particulièrement donc Mobipoc, Atalante, Mixtou, Mixtou, j'ai pas trop envie de le remercier, je l'aime pas trop lui en fait. Non. Il vient plus aux soirées. Non, je l'adore, Mixtou, je te fais un gros bisou. On a Philomène, on a Pierre EXM, on a Stanislas, on a Sylvain, on a Tawafif et Gans, qu'on remercie du plus profond de notre cœur. Chaleureusement. Voilà, chaleureusement. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous. Et pas que pour le Tipeee d'ailleurs, pour leur bonne humeur aussi, parce qu'ils sont toujours, ils ont toujours la petite pointe d'humour qui fait du bien, et c'est vrai que ça détend. Voilà. C'est ça, hein, Philomène, on pense à toi particulièrement, tu es très taquin. Donc voilà, change rien. Voilà, et ben c'est tout en tout cas pour les remerciements et puis pour les news sur le site un petit peu. Alors il y en a certains aussi qui nous ont demandé si le site était un petit peu en jachère. On essaie de mettre aussi en avant quelques formules, on vous laisse la surprise, on va pas forcément en parler ce soir, on va pas forcément teaser, mais en tout cas ça va venir. Il y a de nouvelles formules d'émissions qui vont arriver sur la chaîne YouTube. Il y avait du ménage à faire. Et sur le site, il y a beaucoup d'entre nous et voilà, et du travail ailleurs, donc effectivement, période compliquée pour tout le monde, donc voilà, ceci explique cela. Mais c'est on est là. Et puis c'est les vacances, on était en train de bronzer du fion sur la plage, voilà, donc on se remet gentiment dans le bain, tout doucement, voilà, à notre rythme, content le sang, et puis voilà, on remercie quoi qu'il en soit ceux qui nous suivent, ceux qui ont la patience, et puis merci à vous. Et maintenant, on va enfin pouvoir chapitrer à ce moment-là et puis passer aux news. Alors, ça va pas être forcément que les news de Lolo. On va commencer par lui parce que c'est quand même la tradition et puis qu'on lui doit le respect. Lolo, je t'en prie. Parce que je suis le plus vieux. Parce que t'es le plus vieux. Je rappelle que c'est le plus vieux. Hein, voilà. Alors, les vannes sur Discord, c'est bon. C'est pas parce que j'ai les cheveux blancs que je suis le plus vieux. Hein, merde. On peut pas biper les doigts d'honneur, ça y est. C'est pas grave. Bip. J'assume. Vas-y Lolo, à toi. Donc les news, eh ben on va reparler, on va pas remonter jusqu'au fin juin, on va plutôt partir parler des derniers trucs, notamment le départ de Jim Ryan. C'était juste une bonne introduction. Oh. Donc ben dommage. Écoute, c'est des choses. Jim Ryan s'en va, voilà. Donc est-ce qu'on parle de comment c'est interprété dans la presse entre ceux qui disent que le Japon reprend les rênes de Sony et PlayStation, ou ceux qui disent qu'il s'est fait lourder. Ben c'est pour ça en fait, quand la news est arrivée, pour ceux qui pensaient que le site était en jachère, je vous cache pas qu'on s'est posé la question de faire un article sur ce sujet-là. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, il s'est fait, il est parti quoi. Il est parti. Il est pas parti. 55. Hein. Non, il part fin mars, mais je veux dire, il vient de prévenir qu'il allait partir. Il reste 6 mois. Donc c'est un mec qui a 55 ans, qui part à la retraite à 55 ans. Il a peut-être des problèmes de santé, on n'en sait rien. De là à dire qu'il s'est fait lourder, alors c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait d'article sur le sujet, c'est justement que j'ai passé un petit peu de temps à remonter sur tous les directeurs de Sony Interactive Entertainment. Et donc, quand on voit que Andrew House, par exemple, est resté 6 ans, tout rond, et après il y a eu un japonais, donc Shuhei Yoshida, qui a fait la période de transition. Puis après, on a eu John Codera, qui était américain, lui, par contre, pour finir sur Jim Ryan. Et là, Jim Ryan, eh ben, en fait, on part en fin mars, et en plus, c'est une année complète. Donc, il part vraiment, il arrive vraiment au 1er avril, et 6 ans plus tard, il repart au 30 mars. Donc, il se serait fait lourder, ça aurait été en plein milieu de cette période, il aurait pas fini son contrat complet. Voilà. Donc, bon, niveau lourde, pour moi, il s'est pas fait lourder. Il a juste terminé. Il a fini. Il va aller jusqu'au conseil d'administration fin mars de PlayStation. Et puis, il part. Il se fera remplacer. Et pour la question de savoir si le Japon réellement reprend les rênes, ça aussi, ça tient pas debout non plus. Parce que, comme je vous disais juste avant, eh ben, Shuhei Yoshida s'est occupé de cette transition. Et puis derrière, ça a été Jim Ryan. Donc là, eh ben, on a un Japonais qui a été mis en transition, je sais plus son nom, et puis ça veut pas dire que derrière il y aura pas soit un Européen, soit un Américain, soit un Japonais peut-être, je sais ou pas, un Belge. Il y avait rien d'extraordinaire dans cette annonce, Bon, Internet s'est occupé de son cas, hein, entre ceux qui étaient heureux de le voir partir, ceux qui hurlaient qu'il était viré, ceux qu'il était incompétent, ceux qui hurlaient en disant « ça y est, Sony reprend les rênes », enfin voilà. Bah, disons que vraiment, on a une information, on a beaucoup d'interprétations, mais on n'a pas vraiment de faits, en fait, sur cette histoire. Donc, Bah, si, il me semble qu'il y a une interview, alors je ne sais plus si c'est Wire, Citoyer, je crois qu'il l'a interviewé, où il a dit qu'en gros... il était assez fatigué de voyager entre l'Europe et les États-Unis et que bah du coup ça l'avait un peu saoulé et qu'il prenait sa retraite. En même temps, bon, la retraite à 55 ans, ça va quoi. Jim Ryan n'est pas américain, il est anglais, et c'est vrai que sa famille est restée en Angleterre Bretagne. Apparemment. Ouais, sa famille est restée en Angleterre, donc il doit être souvent dans l'avion quand il veut aller la voir. C'est un peu le même cas que Rick Grimes dans The Walking Dead, qui a annulé la série parce que justement il en avait marre de faire toujours Angleterre, États-Unis. Donc bon, c'est une de ses raisons. Après, ça apportait pas grand chose. Il n'y a pas grande matière. Pour l'instant, ça apporte pas grand chose au PSVR 2. Il n'y aura que spéculation. Il y a juste un truc. Ouais. Que j'ai, enfin, je suis pas trop fan de la personnalité de Jim Ryan, en tout cas de la communication. Enfin, c'est même pas de sa personnalité en fait, c'est de son rôle au sein de Sony que j'étais pas vraiment fan. Y a un truc juste que j'ai bien aimé, c'est son message qu'il avait balancé sur X Twitter. C'est effectivement, je confirme, je prends ma retraite. J'ai plein de jeux sur PSVR 2 que j'ai pas terminé, donc c'est le moment de rattraper mon retard. Il avait sorti un truc dans le genre là. Ouais. Ouais, mais c'était pas un compte fake ça? Bah peut-être. Ah ouais, tu crois? Ah bah du coup je retire tout ce que j'ai dit alors. Bah du coup. La magie du montage. Mais j'ai lu ça passer effectivement. J'ai vu ça passer. J'ai vu passer ce tweet là, mais je crois pas que c'était un. Je crois pas que c'était le tweet officiel de Jim Ryan. Il me semble pas. D'accord. Bah, il me semble qu'il y avait un autre truc derrière Jim Ryan et c'était pas officiel, il me semble. Bon ou mauvais tweet, on sait pas de toute façon qui est le réel preneur de décision à la fin, mais en tout cas, ça fait. C'est un peu dans la continuité de ce qui nous plaît pas des masses, on va dire, dans le mood PlayStation en ce moment. Game as Service. Voilà, exactement. Enfin, les gaz. Tout ce qui a été vendu il y a deux ans, tous les projets qui sont en cours, le manque de com là depuis. Le jeu mobile, mais ça apparemment c'est. Le jeu, le jeu service, les exclus PlayStation qui passent sur PC et auxquels on peut jouer en VR uniquement sur PC via les modes. Enfin, tu vois, tout ce qu'on a. Ouais, mais bon, je veux dire, c'est tout frustrant. Ça. Quoi. Ok. Donc. On espère du coup que ça changera quelque chose, mais bon, si ça doit changer quelque chose, ça sera pas à court terme quoi. Dans tous les cas, ça sera à long terme parce qu'il y a déjà des projets qui sont lancés. Donc même si ça doit changer, ça changera pas de suite quoi. Voilà. Ce sera pas avant 2025. J'espère qu'il y a des projets PSVR 2 qui sont lancés depuis plus de 2 ou 3 ans. Quoi. Non, mais j'espère aussi. Sinon, on est mal. J'espère aussi. Ça fait avec un peu de recul, ça fait qu'un an que les studios ont le kit de développement. Oui. C'est bien. Je me mets quand même à rêver d'un wipeout, un nouveau wipeout par exemple qui serait développé justement depuis 2-3 ans comme dit Laurent et puis qui pourrait sortir. Franchement, une nouveau sortie et l'autre, ça irait très bien. Oui, ça serait celui-là j'y crois. Franchement, c'est la tendance. Mais une petite suite avec un peu de contenu justement parce que quand même le dernier était quand même pété de contenu parce qu'il rassemblait un jeu, add-on et un deuxième jeu Vita. Remasterisé, mais c'est vrai que ça serait bien. Un petit wipeout, ça manque quand même sur le PSVR 2. Franchement. Il y avait eu des rumeurs sur un wipeout PSVR 2. Donc, il y avait eu des rumeurs sur des jeux sur PSVR 2 aussi, effectivement. Il est taquin. Ah, ça commence. Il est taquin. Ah, ça commence. Non, ça commence mais par contre, là, c'est vrai que niveau news, là, donc j'en viens de parler de Jim Ryan, c'est très bien, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, c'est vrai que le fait que Sony ne communique pas du tout, quasiment ce silence, c'est presque pratiquement une news en elle-même, parce qu'on arrive en septembre. C'est en pleine transition. Septembre, octobre. Il n'y a rien, ni sur plat, ni sur PSVR 2. On ne sait pas ce qui se passe à partir de début 2024. On parle du silence, mais on peut aussi parler du silence des têtes pensantes de PlayStation. Bah oui. Qui n'ont pas non plus apporté un petit mot ou un soutien. Alors, dites-le si je me trompe, mais sur le départ et la retraite de Jim Ryan. C'est très soudain. C'est très soudain, alors qu'il communiquait encore. Activement pour PlayStation Et c'est vrai que ce manque de réaction et ce manque de communication, putain, mais ce manque de communication, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on en parle de la part de Sony, quoi. Est-ce qu'ils attendent son départ officiel pour dire un petit mot? Enfin, je sais pas, c'est comme t'as un mec qui s'en va, tu vois, au moins tu lui dis, bon, même si tu l'aimes pas, tu lui dis, bon, bah salut. T'as un petit pot d'adieu, quoi. Merci, au revoir. Bon, bah salut. C'est ça, tu vois, on se reverra jamais, mais bon. Salut, allez. Bonne continuation. Au revoir. Oh, bah voilà, du coup. Je pense à ça, ouais, parce que ça fait partie du manque de. Oui, non, mais c'est vrai que quand Sean Layden est parti, il y a eu des interventions de plusieurs studios pour, et là il n'y aura pas eu grand chose, ouais, c'est vrai. Et puis dès qu'il est parti, il y a eu un nouveau trailer PlayStation VR 2 qui est sorti quelques temps après, quoi. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que Jim est parti, pouf. C'est vrai que la coïncidence est quand même assez incroyable. C'était magnifique, et de l'officiel, et pas un truc trop dégueu non plus, hein, qui limite qu'on aurait dû avoir en février, tu vois, ou même avant pour promouvoir le casque, quoi. Coïncidence. Parce que du. Je pense. Quand même. En vrai, ouais. Alors, bah, quoi qu'on pourrait peut-être monter des théories fumeuses. Ouais. Oui, non, je pense que c'était prévu. À mon avis. Qui est pour la théorie que PlayStation San Francisco freine le PSVR 2 alors que le Japon essaye de le lancer? Oh, bah ça. Vu la com, on en a parlé pareil il y a un mois, mais t'étais pas là, tu peux pas le savoir. Mais... Parce que techniquement, qu'est-ce qu'il a annoncé, Jim Ryan, à part le logo, ou le PlayStation VR 2, Beat Saber. Deux... Ouais, Beat Saber, tu vois. Grand Turismo 7, non, après, il animait les showcases, voilà, enfin. Vous êtes vache, Jim Ryan, il a quand même balancé tous les AAA PlayStation sur Steam, et maintenant ils sont tous modés, et les joueurs PC peuvent y jouer sur Steam, alors que nous on peut pas. Merci Jimmy. Merci Jim. En fait, voilà, ça va devenir le PDG de Steam dans un an. Et des modeurs. Non, je rigole. Bien entendu. Voilà, en tout cas, voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Pour le moment, je pense qu'on y reviendra, parce que finalement, en fait, les choses... On l'a eu, il va bien. Voilà, il va bien. Envoyé des nouvelles. Il est, tout va bien. Il joue au PSVR 2. J'ai vu son tweet. Il envoie des bisous. Et c'était un vrai tweet. Donc c'est bon, j'en suis sûr. C'est vrai? Ouais, je suis sûr que. C'est un vrai tweet. Je suis pas sûr du tout. Et du coup, moi, il m'a semblé fake le tweet. Je pense que du coup, on aura des informations sérieusement. C'était Jim Ryan. Jim Ryan. Jim Riette. Et puis. Riolet, quoi. Oh putain. C'était un hack de Phil Spencer, en fait, mais. Ouais, c'est ça. Faut pas le dire. En plus, attends, je crois que je l'ai, Jim Ryan. Attends, je vais regarder. Allo Jim? Allo Jim? Ah non. Le mec non, qui se répète. J'étais sur Discord. Ouais, j'étais avec Eric Chaillot au téléphone. Ouais, il m'a expliqué un petit peu. Ah non, c'est pas du tout. C'est Jim Ryan. Ils sont plus bien. Eux, almost authentique. Non, je crois que en fait non. Je sais pas. Je crois que c'est mon avis, c'est un fake. C'est le compte Jim Ryan le vrai, en fait. Le vrai. Promis, c'est moi. Putain. Le compte du troll, quoi. C'est ça. Celui-là, c'est un faux, c'est sûr. Non, mais putain, il faut lui répondre faux, alors. Mais du coup, voilà, parodie account, c'est écrit. On en sort un petit peu plus, et puis je pense que de toute façon, il y a des choses un peu plus vraisemblables qui vont arriver au fur et à mesure dans les semaines qui vont venir, ou dans les mois d'ailleurs, ça peut prendre un peu plus de temps. Dans les années, dans les mois, je pense que d'ici 2024 quand même, il va y avoir des choses qui vont être révélées. Pas forcément avoir des raisons, on n'est pas gala, hein, donc on s'en bat les couilles un petit peu du fond de l'affaire, mais en tout cas les conséquences après sur les décisions politiques de PlayStation. C'est surtout ça qui nous intéresse, en fait. On y reviendra, en tout cas, quand on en saura un petit peu plus et quand on aura quelque chose de factuel là-dessus. Voilà, comptez sur nous. Toutes les décisions qui ont été prises il y a 3 ans et qui vont nous impacter maintenant, en fait. C'est là qu'on va... Ah oui. Parce que c'est sûr que s'ils n'ont pas commandé de jeux PSVR 2 ou si les studios PlayStation ne font pas de jeux PSVR 2, nous on va manger de l'indé, mais de l'indé quest en plus. Ouais. Et là, on va en manger pas beaucoup. Pas que. À ce sujet, bonne transition, Laurent, je te remercie. On peut parler de la vidéo de El Rocco qui nous a concocté sur les jeux qui vont sortir en octobre. Est-ce que tu peux nous faire un petit listing? Est-ce que quelqu'un se sent de faire un petit listing vite fait, sans forcément rentrer trop dans les détails sur tous les jeux? Mais en tout cas, voilà, ce qui a été annoncé officiellement, en tout cas, prévu officiellement avec des dates. Qui se lance? El Rocco, t'as fait la vidéo. El Rocco, t'es le meilleur. Ah oh non, le meilleur, ouais, ouais, bah, je vais devoir la remater en direct, mais parce qu'il y a tellement... J'ai la liste, donc Vals of the Wizard, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Non, mais on parle des jeux. On a dit qu'on parlait des jeux. Pour certains, c'est un jeu, c'est un bon jeu, ou voilà, tu peux faire ce que tu veux dessus. Mais sérieusement, mais plus sérieusement, bon, non, franchement, il y a eu plusieurs titres qui ont été annoncés. Le mec qui prend les pincettes. L'art du meublage. Pendant que la vidéo tourne derrière. Merde, je suis sur le générique. Je vais dire autre chose qui n'a rien à voir. Ça me déprime un peu. En fait, il y a que des titres comme Propagation qui sont vraiment au-dessus du panier. Quoi, alors, parce attends. Que, sinon, c'est du. Juste une petite précision à Rocco. On va essayer de pas trop name drop en fait des jeux. En fait, si on peut essayer de les prendre un par un et puis en discuter, voilà, parce que on va essayer de pas se disperser trop. Premier Waltz of the Wizard pour le 3 octobre, qui est déjà sorti. Et je pense que du coup, Laurent reviendra dessus parce que, dans la partie test. On en parlera un petit peu après. Ouais. Voilà. Donc Ghost Signal, qui a la particularité d'avoir une démo disponible qui ne fonctionne pas. Qui est sortie aujourd'hui. Qui ne fonctionne pas, a priori. Aujourd'hui, le 5 octobre. Donc qui a l'air un peu d'être un mélange entre Cosmodread dans son style où il y a du Die and Retry apparemment. Alors ouais, c'est un jeu de bataille de flotte en roguelite. Voilà, et t'as plusieurs types d'ennemis différents, t'es capitaine d'un vaisseau en gros, et puis tu dois te balader dans l'univers et puis chercher en fait la source du ghost signal, donc du signal perdu. Ce sera l'objectif du jeu, voilà, avec une partie RPG où tu peux améliorer ton vaisseau, tes armes. Il y a une petite partie multijoueur aussi. Comment ils appelaient ça, j'ai oublié le mot, c'est pas un mot que j'emploie souvent. Où en fait tu peux récupérer, on va dire, le loot des ubiquité des autres, non, moins compliqué que ça. Tu peux récupérer le loot des autres joueurs en fait qui sont morts, mais sans qu'ils jouent avec toi, si tu veux. C'est un peu à la manière de Death Stranding où tu pouvais aider les autres joueurs en laissant des trucs. En fait, ben là c'est un peu, tu retrouves toutes les caisses pourries des joueurs qui c'est un peu le même esprit, quoi. C'est du multijoueur bienveillant, c'est pour ça que tu connais pas trop ce mot non plus. Non, bienveillance, c'est, pas ça, en fait, non. C'est comme journée ou c'est comme les trucs, en fait, c'est il faudrait que je reprenne mes notes, j'ai écrit et employé ce mot, mais je me rappelle déjà plus. Donc voilà, et c'est sorti aujourd'hui également, dans l'ignorance la plus totale, bien entendu. C'est une démo, faut laisser le temps. Non, la démo est sortie en même temps que le jeu est disponible. Hein. Très bien. Voilà. Et c'est comment il s'appelle comme ça. Le blanc. C'est Fast Travel Game du coup qui développe. Fast Travel qui Game. Qui édite, pardon. Voilà. Fast Travel Game. On a demandé 3 fois un code pour pouvoir l'essayer. On n'a pas eu le jeu, donc. On essaiera la démo. Sa tête. Comme tout le monde. Laurent, les gens ne nous aiment pas dans l'industrie. Les gens ne nous aiment pas. On crache sur les jeux qui méritent. Ils veulent que des Ce gens. Ce n'est pas comme ça qu'on va bien. Se prendre des clés gratos. Il faut que tu te rendes ça dans oui, le crâne. Mais. Quelqu'un qui sait que son jeu, il arrache la bouche, il nous file des clés. Alors quand il y a des studios qui se disent ouh, celui-là, on les a peut-être un peu pris pour des cons quand même. S'il a pas confiance en son jeu, il met pas de démo. Non, mais s'il a pas confiance en son jeu, il met pas de démo gratuite non plus. Bon, oui, après la démo visiblement fonctionne pas en Europe. C'est pas de bol aussi. C'est pas de bol. Donc en gros, il faut quoi? Il faut un compte US pour pouvoir y jouer? Non, non, un compte Europe, mais bon, visiblement la démo fonctionne pas. Après, elle est sortie aujourd'hui, donc je vous avoue que je l'ai pas testée. J'ai vu ça passer. On n'a pas eu le temps. Passer par-ci, par-là, mais voilà. Voilà, on taffe, on a vu la démo qui est sortie, on n'a pas eu le temps de la lancer avant de commencer l'émission. On en parlera, je pense, peut-être un petit peu Exactement. Plus dans 2 semaines, et puis voilà. Excusez-nous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a. Il y a Angry Bird VR. Angry qui a l'air d'être pas mal. Apparemment. Angry Bird, et ça aussi, ça qui fait partie. Bien addictif. Et du coup, il est sorti, et du coup, Laurent a eu l'occasion de le tester. Et du coup, oui, on en parlera et tu donneras ton avis tout à l'heure, Majo. C'est bon, c'est fait. Laurent, voilà, bon, c'est fait. Non, mais les gars, vous parlez de jeux mobiles. Je veux dire, Angry Birds, c'est la mascotte des jeux mobiles. Je veux dire, on peut pas faire pire en jeu mobile sur PSVR. On y reviendra plus en profondeur tout à l'heure. J'essaie de vous tenir ce soir parce que je sais que ça va être long. On développera. C'est le organe quater de Laurent. Non, mais c'est profite. Arrêtez! Allez, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Pourquoi il me reparle d'Organ Quarter? Donc là, on a fait le test il y a 4 mois à peu près, donc pouvoir tourner. Mais celui-là, on va en reparler indéfiniment. Bon, oui, j'arrête de te couper. Continue. Ok. Angry Bird, on cite. Ah, par contre, Blink and the Vacuum of Space, je pense que c'est un doigt d'honneur frontal À la VR et aux joueurs, hein, clairement. Non, ça va marcher, ça, c'est Job Simulator dans l'espace. Voilà, c'est le Job Simulator. Numéro 1 des ventes pendant 6 ans. D'accord. Qui a été détrôné. Hein. IP, très IP. Ah mais je veux dire, tu peux faire fondre ta culotte à coups de rayon laser, voilà, tu pêches dans l'espace. T'as vu l'absence de vie dans les yeux de Laurent? No Man's Sky est terminé, les gars, c'est fini. En ce moment, j'ai un regard bovin souvent. Ah, franchement, là, ça a dû être dur. Hein. Quand j'ai balancé la vidéo, c'était très dur. Hein. Très dur à monter, très dur à regarder. Donc ça sort le 10 octobre, hein, pour info, pour ceux que ça intéresse. On s'en fout. Et ça coûte, on sait pas trop. Vous vous rendez compte que juste avec un trailer, déjà, on arrive à donner l'idée aux distributeurs et aux développeurs de pas nous filer la clé, en fait. Allez, envoyez la clé. Envoyez la clé pour qu'on le teste. Déjà, ils ont envie de nous dire, mais elle est crevée, en fait, hein, faire for player. Non, mais si ça se trouve, il y a peut-être l'un d'entre nous qui va le trouver bien. Peut-être. Steph, ah oui, regarde. Steph, peut-être. Organ Quarter, regarde. Il est pas là. Steph, ton avis? Ça se voit que Trafic. Merci, Steph. Trafic Jam, je crois qu'il a mis 9 sur 10, non? C'est ça. Ah, on rigole, Steph. Bisous à toi, on sait que t'es loin et que si, tu nous entends pas. À propos de ça, justement, il y a une petite phrase dans le jeu, donc c'est la petite caution, la caution bienveillante en fait du jeu, qui est donc faite pour vraiment pour. Enfin, c'est autiste friendly. Donc voilà, on se souvient un petit peu du jeu, donc juste pour ça que je pense que Steph pourra le tester. C'est là où on est tous dérangés d'avoir rigolé. Non, excusez-nous. Non, franchement, ça a l'air d'être un bon jeu quand même. Non, on sent l'influence des développeurs. Ils ont mis de l'amour dedans et tout. On nous a fait on le se coup. Rappellera tous, voilà. Voilà du jeu avec la personne à mobilité réduite qui était en fauteuil roulant, qui justement a eu pas mal quand même de prix de grâce à ça et qui a été pas mal nominé alors que c'était de la merde en fait le jeu c'est ça donc c'est un jeu d'énigmes mais putain il était codé avec les pieds quoi enfin je veux dire puis ça fait mal il y avait même pas de pieds même c'est un petit peu faut oui c'est vrai j'avoue blague de mauvais goût pour le coup. On est vraiment des connards en fait. Mais non, ça par pièges, contre, c'est dire, vrai on a, que le jeu est mauvais et ils arrivent à faire un buzz pas possible en s'accrochant sur des sujets graves, hein, des handicaps et des choses comme ça. Et ouais, là, c'est je veux vrai dire, que c'est, moi, le c'est premier pas, truc c'est, que j'ai. C'est pas une raison pour faire pensé, un jeu de merde, quoi. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que. Mais c'est surtout. C'est ce qu'on avait dit de toute façon. C'est ce qu'on avait dit pour le premier, hein, sous couvert de bien-pensance, c'est pas parce que la cause est bonne que le jeu sera bien. Gravitationnel. Voilà, il s'est appelé comme ça. Tu vois, tout le monde avait oublié son nom tellement il était. Et non, je l'ai pas oublié, je l'ai testé. T'inquiète, c'est resté là. On en parle depuis tout à l'heure, on cherche le nom. Je suis désolé, c'est toi qui l'avais testé. Oui. Et sur le premier PSVR, et puis une bouse en fait, parce que le principal truc ne fonctionnait pas, c'est-à-dire t'immerges dans la peau de quelqu'un qui est en fauteuil roulant, tu peux pas. Les deux, c'était quoi? Attends, comment ils s'appellent déjà? Les Move, les PS Move. Cornet de glace là. Donc mettons un jet pour aider les gens qui ont Alzheimer, donc comme elle recoule. Mais bon, Lolo, mets pas tes mains dessus, Lolo, on voit les traces. Donc, Laurent nous ça fait longtemps que tu les as pas utilisés. qui est passé sous la neige, apparemment. La neige, ouais. L'hiver arrive, winter is coming. Mais tu t'en sers comme Cendrillon ou quoi? C'est quoi? Non, celui-là il était dans un carton, et en fait c'en est un que j'ai ouvert pour vérifier la batterie. Non, il marchait plus celui-là. Dans la litière du chat en fait. Non, mais. Et puis ça montre aussi que les développeurs savaient qu'ils faisaient de la merde parce qu'ils avaient en plus un genre de stick pour se déplacer automatiquement. Enfin, on n'a pas essayé le jeu, on a juste essayé Gravitationnel, on a constaté que c'était pas un jeu qui était ouf, vraiment pas. Mais il y a toujours une espèce de une idée un peu malsaine en fait. T'as une caution en fait de bienveillance dans ton jeu que tu mets en avant surtout dans un trailer pour proposer un truc qui est vraiment pas terrible, c'est un petit peu pour moi du même acabit que ceux qui font des dessins animés pour les gosses complètement débilisants et complètement cons, ou des films complètement à chier, et qui se disent oh, allez, c'est bon, c'est pour les gosses. C'est prendre un petit peu les gamins pour des cons. Et je pense que justement, mettre en avant ce genre de choses-là, c'est prendre un petit peu les gens pour qui justement c'est dédié, un peu pour des cons aussi. Donc du coup, c'est mettre en avant une espèce de bienveillance, mais qui est paf, qui est un peu, qui est complètement hypocrite, quoi. Après, on n'a pas testé le jeu. Peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise. Peut-être que Vacuum of Space of je sais pas quoi, Lofi. Blink and the Vacuum of Space VR. Ça va d'ailleurs, on parlait des titres trop longs, Laurent. Mais voilà, en tout cas. Et surtout que je vois même pas ce que ça peut apporter à l'autisme, un jeu comme ça. Parce que finalement, tu mets un job simulator, ça sera pareil, quoi. Et je pense que c'est dans le fait de pour les autistes. C'est dans le fait, à mon avis, de la complétion en fait de certaines tâches répétitives et faciles à appréhender. Enfin, à mon avis, c'est ça. Oui. C'est juste arriver à faire quelque chose, à le terminer, passer à autre chose, recommencer quelque chose et le terminer. À mon avis, c'est alors, ça. C'est juste rendre en fait la chose cohérente dans la tête des gens. Et je pense que ça fonctionne pas uniquement pour les autistes. Hein. Il y a des gens justement qui ont ce besoin justement de Tetris dans leur vie, donc à mon avis c'est ça. Alors justement j'allais dire bon, si tu me dis que c'est pas que pour les personnes autistes, ok, mais bon, je veux dire déjà que la VR est réputée comme être quelque chose de, enfin, un marché de niche, pardon, je veux dire, si en plus tu dois aller viser une certaine catégorie de population, je veux dire, là c'est encore la niche dans la niche, quoi. C'est pas visé, c'est ça, un marché de niche, hein. C'est autiste friendly, c'est-à-dire que c'est un Tetris, des jeux, certains jeux indés justement qui sortent sur PC qui sont vraiment là, enfin, t'as des jeux, tu vois, comme c'est quoi le jeu de Karcher là qu'on a vu là cet après-midi, Power Wash Simulator. Power Wash, tu vois, typiquement ça sort pas, celui-là. Ça c'est le genre sort de jeu. Sur Quest 2. Si si, il alors, sort sur Quest 2. 2. Non, mais qui sort pas sur PSVR 2, on en veut pas, celui-là. Si, il arrive, mais il arrive, si, le mais si, il arrive. Mais ça, it's coming. Non, mais non. Mais non, c'était pas pour parler de ce jeu-là, mais c'était pour parler du fond de ce jeu-là. Le fond de ce jeu-là, j'ai entendu plein de gens qui m'ont dit c'est le Karcher. Ce jeu, il est super. Ça Karcher, me permet d'avoir un truc dégueulasse en face de moi. Je le nettoie, je suis bien une fois que j'ai fini ma partie. Ouais, c'est le sentiment du devoir accompli. C'est le sentiment d'avoir fait quelque chose. Tu vois, quand quand il enlève le casque et qu'il voit que c'est lui, c'est dégueulasse, il se dit putain. Mais quand tu joues à Mario Sunshine, je suis désolé, sur GameCube. Je l'ai adoré parce que moi, ça me permettait de nettoyer des trucs et à la fin, j'étais satisfait parce que c'était propre. Voilà, c'était dégueu quand j'ai commencé ma partie, c'était propre quand j'ai fini. Et voilà, juste dans la tête de certaines personnes, en fait, il y a un besoin d'ordre, même s'il est factice, même s'il est donné par une espèce de jeu, c'est quand même super important. Et après ça, tu disais à ta femme, allez, va nettoyer parce que moi, j'ai bossé sur. À la maison, ça n'a rien à voir. Tout nettoyer. Ouais. À la maison, ça n'a rien à voir. C'est autre chose, c'est un autre problème. Deux univers, deux ambiances. Mais tu vois, ça permet justement de mettre dans la tête des gens de l'ordre un petit peu, et voilà. Et je pense que c'est justement pour ça que ce côté autiste friendly est mis en avant sur Blink and the Vacuum of the Death. Prochaine émission, on en dira un peu plus. On aura eu l'occasion de tester. On a un petit peu digressé. Ok, ensuite, nous avons la propagation. Paradise Hotel. Donc, qui n'est pas du coup plus prévu pour le 15, mais pour le 12. Il est prévu pour le 12 octobre, tout à fait. Qui a avancé sa date de sortie 12. Ouais. Aujourd'hui aussi. Mm-hmm. Donc finalement, dans une semaine, ça va vite être là. Donc vous pouvez retrouver un petit test sur la chaîne YouTube Verfa Player de la version PC. J'ai eu l'occasion de le terminer et puis voilà, un bon petit jeu. Il se termine en 5-6 heures. C'est le premier épisode d'une série, en tout cas d'un truc qui a envie de continuer. Et voilà, donc j'attends aussi la suite avec impatience, en tout cas. On verra. Moi, si j'ai hâte de voir s'il sera flou. Oui, voilà. Est-ce qu'on va bien récupérer la bonne version? Parce que c'est vrai qu'il était quand même assez joli sur PC. En tout cas, en termes de définition, de texture et tout ça, le jeu est quand même assez joli. Donc on espère en tout cas avoir une version assez équivalente à cette version-là. Ah, vu que c'est un environnement assez fermé, un petit clos. Peu comme. Voilà, et sombre. Complètement clos et sombre, ouais. Bah comme le château Dimitrescu de R8, donc ça peut. Des fois ça veut rien dire. Hein. Des fois ça veut rien dire. Mais bon, il y a possibilité. On sait que c'est possible en tout cas. Mm. Après on va voir si l'envie était là chez eux. Quoi. Donc c'est le ça. 12. Le 12, voilà. Ensuite on a. Studio français. Oui. Ils sont de Bordeaux, non? Ou ils sont de Lyon, je sais plus. Non, je crois qu'ils sont de Lyon. Ouais. De Lyon? Ouais. Faudra qu'on aille les voir. Ouais, je sais jamais, je confonds toujours. Faudrait qu'on aille les voir. Ensuite, on a Tennis on Court. Ah bah, ça va être un jeu de tennis. Ouais, on en avait parlé, ouais, c'est le jeu qui est en sponsor avec Decathlon et. Et Perp. Perp Games. Perp, ouais, tout à fait. Qui a pas l'air trop moche, hein, ça va. Non. T'as vu le public Ouais, non, bon, mais d'accord, tu vas parier. Bah, quand tu joues au tennis, tu regardes pas le public, quoi. Il y a du public. Tu aimes bien le tennis pour dire ça. Oui, bah. En tout cas, tout ce qui est physique de la balle et puis le jeu physique, lui-même. Ça a l'air correct. Ouais. Ça a l'air plus très correct. Après, bon, faut voir un petit peu tout ce qu'il y a autour, parce que bon, quand on joue à un jeu, on aime bien. Non, mais ça avait l'air relativement complet. Ils ont un partenariat aussi avec, je sais plus quelle marque de. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est une marque Decathlon. Mais c'est Decathlon de raquettes. Quechua. Rossignol. Non plus. Et faut trouver une troisième marque, les gars. Comme tu dis, la physique est. Tribord. Tribord. Aide, et du coup, ce que je voulais dire, ouais, à savoir, à voir, pardon, si ça sera des. Mais je crois qu'il avait dit que ce sera des déplacements libres aussi sur le cours où tu pourras te balader un peu où tu veux. Tu dois avoir les déplacements libres et aussi, à mon avis, t'as. Oh putain, tu dois avoir un jeu de tennis en téléportation. Alors ça où tu te TP. Et bah justement, à mon avis, c'est. T'as la un mode majorité sont souvent comme ça. Où tu dois avoir ce mode-là aussi. Sur la balle. Sur le trailer, en tout cas, tu te TP sur la balle. N'importe quoi, ça. Non? Par contre, du coup, attention, aide, hein. Peut-être que ça fera partie des jeux qui obligeront à avoir les 2 mètres sur 2 mètres pour pouvoir jouer. Ouais. Oh, faut voir. À mon avis, en fait, quand tu reçois la balle, quel que soit l'endroit où tu es sur le court, en fait, tu te TP dessus, mais automatiquement, pour pouvoir récupérer la balle. D'accord. Mmh. Ouais, bah, c'est un mode pour. Mais du coup, tu. De simplicité, le motion sickness, tout ça. Du coup, c'est un jeu qu'on pourra jouer sur le canapé. Ah, bah oui, vu comme ça. Oui, tout à fait. Et donc, c'est bien. À voir, à voir. À voir. Ensuite, on a The Seventh Guest. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. On a juste une date maintenant, j'imagine. Et aussi des petites images qui fuitent 19, par-ci par-là et qui ont l'air beaucoup plus chatoyantes que la version Quest, perso. Donc, à savoir si c'est plutôt des concepts ou quoi, mais en tout cas, c'est beaucoup plus joli qu'une version autonome. Et ça, c'est positif. Donc, à voir. Après, bon, moi j'ai un petit peu peur de ce jeu-là parce que j'étais déjà trop con pour le terminer quand il était sorti sur, je sais plus, Amiga ou CDI, je sais plus. Mais bon, voir ce que ça va donner en VR. Un petit jeu d'aventure, c'est plutôt cool. C'est Vertigo qui édite. Ah, et bah oui. Attention. Mais moi il m'intrigue, hein, ce jeu. Capable du meilleur comme du pire, quoi. Il m'intrigue. Au moins les cinématiques avec les persos. Tu vas être statique, tu bougeras pas, tu pourras pas bouger. Même, j'ai envie de voir mais le rendu sous le casque. C'est pas Vertigo qui a développé quand même, donc ça peut être. Non, ils éditent. Non, mais c'est pas Vertigo qui a développé non plus. Je sais plus quel jeu là qui a été fini. After the Fall. Alors, mais bon. After the Fall, c'est Vertigo. Non. Par contre, celui qui est sorti il y a pas longtemps, oui. Hellsweeper. Oui, Hellsweeper, c'est pas Vertigo. Ouais. Bon ben voilà. Bon. Donc ça fait partie du même de la même enveloppe, hein, tu sais, c'est édité, donc c'est dans le même état d'esprit en général. Ensuite, nous avons. Et ça sort le 19 octobre. 19 octobre. Merci Majo. Je pense pas qu'on l'ait dit. Ensuite, on a Very Bad Dreams. Donc Bad Dreams, un jeu dont on a déjà parlé plusieurs fois. On avait il y a longtemps. Studio français aussi. Preview. Studio français, qu'on avait déjà invité. De Bordeaux, en plus, par contre. Qu'on avait déjà invité c'est ce que dans l'émission. Demandé. Il me semble que c'était eux, les Bordelais. Tu confondais qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Et donc avec qui on avait déjà discuté de leur dernière production qui était. Creative VR 3D. Roller Coaster. Horror Darkness. Roller Coaster. Darkness Roller Coaster, tout à fait. Non. Si, c'est ça. Si, il me semble que c'est ça. Donc voilà, un jeu, il semble. En tout cas, Bad Dreams, assez ambitieux. La version PC reste Bad Dreams. Very Bad Dreams, du coup, c'est une version optimisée pour le PSVR 2. Je pense qu'avec du contenu un petit peu différent, en tout cas. Faut se méfier avec ça. Hein. Ça se fait beaucoup et de plus en plus, j'ai l'impression. Il y a des surprises. De moins en moins. Non, mais dans un sens ou dans l'autre. Hein. Parce qu'il y a des jeux, toi, Paper Beast, par exemple. On en parlera tout à l'heure, mais à des améliorations que tu n'as pas sur PC. C'est-à-dire que la version PSVR 2 est plus jolie, en tout cas techniquement, que sur PC. Et je pense que celle-là aussi, pour Bad Dreams et Very Bad Dreams, ça sera un petit peu la même chose. En tout cas, on en saura un peu plus quand on aura le jeu, quoi qu'il en soit. Ensuite, on a Ghostbusters Rise of the Ghost. Ça sort, on n'a pas dit, ça sort le 24 octobre. Et ça sort le 24 octobre. Pour heureusement, Majo, que tu es là pour rattraper le coup. À 24 euros. À 24 euros. 23,99. Voilà. Ensuite, Ghostbusters. Le 26. Bah, 26 octobre. Quoi. Ça va être un petit jeu sympatoche. Fait par In Dreams. Chatoyant. Synapse. Multi. Multi coop. Donc, je pense que ce sera vraiment le point fort du jeu. Après, tout le côté, moi je vois certainement ça va pas être très difficile. Hein. Je pense que ça va être vraiment pour découvrir la VR avec. En fait, moi ce qui me dérange un peu, c'est utiliser la licence Ghostbuster et la traiter un petit peu comme ça. Parce que bon, quand tu vois un petit peu. Comme au cinéma. Non, moins pire que le cinéma, mais là c'est un petit peu style Fortnite, ça c'est un peu Fortniteisé quoi. Alors, au niveau du rendu, des chapeaux, avec des chapeaux, enfin je sais pas, voilà, t'as le costume et puis tu t'ajoutes des accessoires, des trucs comme ça. Enfin, au départ, c'est pas trop ce que j'attendais d'un Ghostbuster, mais bon, après il sera jouable à 4. En général, le coop, ça permet de se taper de bonnes barres. C'est ce qui est essentiel, c'est qu'on prenne du plaisir. Après, moi, c'est pas comme ça que je voyais le traitement, de la licence. Tu vois, c'est. On va lui laisser sa chance, le temps que Phasmophobia lui mette une bonne grosse cartouche et qu'après on n'entende plus du tout parler. Et puis voilà. On verra bien. J'avais essayé, j'avais essayé la version standard de Ghostbusters parce qu'il y en a une en parallèle, pareil full multijoueur qui est sortie sur toutes les consoles ou qui va sortir d'ailleurs. Je sais pas si elle est sortie. Bon, enfin bref, j'avais essayé ça l'an dernier la PGW. Si c'est dans le même esprit, t'as vite fait le tour quand même. Voilà. J'ai fait une partie pourtant. Ça a duré 20 minutes. T'en avais un qui incarnait le fantôme et les autres qui devaient le chasser. Et franchement, ouais, t'as quand même vite fait le tour. Quoi. Gameplay asymétrique, comme on dit. Ouais. Ouais. Bon, voilà, on l'attend pas de ouf. Hein. Peut-être que ça sera une bonne surprise, mais en tout cas, pas spécialement, ouais, non. Ah, déjà, il coûte 55 euros. C'est déjà une première surprise. Putain, mais il a intérêt à être sacrément bon. Ouais. Ah ben la licence, ça crache. Et du coup, on a intérêt d'avoir la clé parce que sinon, est-ce que pas de le tester hein. On est million de tipeurs, on le teste. Voilà, on est sûr. Il y a un youtubeur qui le teste pour savoir notre avis. Avis aux éditeurs, on est sûr que ça sera un super jeu, on a trop hâte de le tester et puis comme ça on pourra en dire que du bien, s'il vous plaît, envoyez-nous la clé. Oui, voilà, c'est ça, il n'appartient qu'à vous de nous faire mentir. Hein, je veux dire, si votre jeu il est bien, on le dira, hein, vous le savez. Non, mais même s'il est mauvais, on dira qu'il est bien. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. S'il n'est pas flou, il sera bien pour nous, vous le savez. Voilà. Même s'il est flou, il sera bien un peu quand même. Voilà, on est suivi, donc on pourra quand même dire de la merde et essayer de faire avaler des couleuvres à tout le monde. Exactement. Pas de problème. Ok, et donc Journey to Foundation. Donc Journey Foundation, c'est un classique de la littérature. Je vous laisse parler parce que moi je suis pas un grand lecteur, mais Isaac Asimov, c'est le seul truc que j'ai retenu, qui apparemment est un écrivain de science-fiction. Moi, la série m'a fait ultra chier. Le dédain, apparemment, est un écrivain de science-fiction. C'est pas celui qui a fait tout un maître. Je suis pas un littéraire, moi, donc. Un maître à côté de Frank Herbert, voilà. Exactement. Et BHL, voilà, tu vois. BHL, voilà. Sorti de tout ça. D'accord. C'est pas grand-chose. Donc, intéressant, parce qu'apparemment, moi, je suis toujours intéressé par les jeux qui se scénarisent avec des histoires ou des livres, parce que c'est toujours la littérature, c'est toujours des histoires qui sont vachement longues, donc qui sont facilement adaptables, on va dire, sur un média quel qu'il soit. Et il y avait The Witcher, justement, qui avait très très bien réussi, là, avec le troisième, à adapter tout ça, et puis, avec toutes les quêtes annexes, enfin, bref. Le 1 et le 2 aussi. Tout ça est intéressant. Après, techniquement, bon, voilà, on est encore on n'est pas sur du photoréalisme, on est sur un truc de un peu borderlandesque. Ouais, voilà, un petit peu cel-shadé, mais à la fois un petit peu sérieux, donc, on verra sur les éclairages, etc., ce que ça donnera dans le. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'environnement, énormément de planètes, genre type planète. Ouais. je suis plus intéressé par ça que par Ghostbusters qui a l'air très bien, hein, pourtant. Et là, pour voilà. le coup, vraiment, là, je suis très intéressé par ce jeu-là. Donc, ouais, je l'attends énormément. Donc voilà, une ouais. histoire qui se passe dans l'espace. Mais fait quand même par Arkiark. Et Arkiark, ce sont ceux qui se sont chargés de la du portage VR de Doom 3 sur PSVR. Et Doom 3 VR était excellent. La version VR était excellentissime. Excellent. Avec, bon, pas dénué de défauts, donc, mais parce que c'était aussi sorti sur Quest, ou non, sur PC. C'était un mode sur PC. C'était un mode sur PC. C'était un mode, et dans le mode, il y avait de meilleures idées, surtout pour les cinématiques. Bah, elles étaient en temps réel. Dans le jeu officiel, c'était un truc plat, ouais. un écran plat, comme Hitman, et dans le mode, ils avaient intégré, tu pouvais regarder à 360 degrés, oui, tu voyais ça. La scène, en fait. Comme tous les modes PC, en fait. Dans le mode. Toutes les cinématiques, ouais. tu vois tout, quoi. Donc, il y avait, bon, ce petit détail-là que je trouvais dommage, mais voilà, c'est des gens que. Bah, que quand on leur confie un projet, bah, ils le mènent plutôt bien et bah, ils font ça avec envie, quoi. Donc, s'ils ont envie aussi pour celui-là. Le truc, c'est qu'ils communiquent pas aussi, beaucoup. J'étais aussi au développement de Freediver Triton Down. Et Freediver Triton Down, le jeu était pas mal, hein, franchement. l'idée de sortir d'un bateau qui coule, c'était plutôt sympa, parce que ça créait une tension quand même. Par contre, c'était sur PSVR, c'était une cata totale par rapport à la version PC qui était bien plus jolie. On s'était bouffé la version Quest 2, clairement, et moi, c'est ce qui m'avait dégoûté quand je l'avais Quest vu. Quest 2 ou Quest 1 d'ailleurs? Oh, c'était peut-être même du Quest 1, ouais. Mm-hmm. Donc c'est pour ça là Journey of Foundation sort aussi sur Quest 2, je suis quand même ça pourrait être mieux, quoi. Okay. À voir. On verra mais en tout cas, j'ai peur qu'on se mange exactement version avec si trois éclairages en plus, quoi. Si c'est un jeu avec un minimum de profondeur, bon voilà, ça pourra la réelle, elle a l'air quand même bien propre. Voilà, si c'est une pizza surgelée à la manière de Star Wars NNZ Edition, franchement, ça se laissera manger très clairement. Borderlands était très bien aussi dans son Freediver avait beaucoup de profondeur dans son jus, hein, et pourtant il n'était pas réaliste, mais franchement il avait une bonne qualité de réel. Donc voilà, après c'est toujours pareil, c'est que voilà, si c'est un jeu qui a de l'ambition et que l'univers colle avec ce que t'as devant les yeux, franchement ça se verra tout de suite, ouais. Faut voir. Ensuite et ça sort le 26 octobre. Et le 26 octobre. Ensuite on a le 28 The Foglands Journey to Foundation. De quoi? Le 28 octobre Journey to Foundation. Oui. Non, mais sur le site, c'est marqué au 26. Alors, qui a tort, qui a raison, hein, on le saura le 30. Ah. Voilà. C'est ça. sur le store, ouais, sur le store, il est au 28. Ensuite, on a The Fogland. Une date de sortie pour The Fogland. Foglands. 31. Foglands. Ouais, ou l'art Fuck de ou l'art de justifier le brouillard dans un jeu. Ouais. Comme Silent Hill à son époque. Exactement. C'est vrai. Quoi dire, écoute. Un énième roguelite, voilà, ouais. Encore un shoot. Un roguelite, shoot avec t'avances, beaucoup de loot. Tu gagnes des bonus et puis si tu perds, eh ben tu peux essayer de racheter avec ton expérience des trucs permanents et pour aller un petit peu plus loin et puis pour tirer et puis si tu perds, eh ben tu recommences. Et puis voilà, quoi. À noter d'ailleurs que c'était très drôle parce qu'à la fin du trailer, je crois que c'est un des seuls jeux qui a fait ça. Il te précise quand même que attention. Alors c'est un trailer full VR, hein, qui annonce PSVR 2, etc. Et à la fin du trailer, il est quand même marqué « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi jouer sans le casque. » Voilà. Donc c'est un jeu qui est à la fois plat et VR. Ouais, bien. Bon, j'ai vu des... Je pense que l'intérêt sera vraiment VR, hein, parce qu'en plat, il fait encore plus générique que tout le reste, quoi. Mais... On verra. C'est pareil, il a au moins le mérite d'être intriguant, tu vois, là, c'est un univers un peu délirant. Ça me faisait d'ailleurs, je le confondais avec le jeu dans l'hôtel, là, qui doit arriver aussi. Propagation. Non, Laurent en avait parlé, là, Horror Hotel House ou un truc comme ça, là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, oui. Où t'incarnes des petits vampires là, ou des petits démons. Mmh. Et tu dois gérer un hôtel. Tu dois le... Bon, enfin bref. C'est très chouette, là, une... par contre. Enfin, sur le trailer. Ce que je veux dire, il y a quand même un petit parti pris au niveau de l'univers. Donc bon, écoute, pourquoi pas. C'est encore une fois, hein, si l'univers colle... Bloody Hell Hotel. Voilà, Bloody Hell Hotel. Ça peut se gérer. Voilà, donc à voir. Maintenant, c'est plus le fait que ça soit encore un roguelite. Souvent, c'est pas ma cam, ce style de jeu. Bah, ça devient, après, si ça devient ça un peu générique bien, en fait, en VR. Si ça le fait bien comme Synapse, mais bon, Synapse, lui, il avait d'autres particularités qui faisaient qu'il défonçait tout. Bah, donc, c'est une tendance en même temps, en ce moment, c'est. Enfin, avec les Games of the Service, les GAS, il y a quand même pas mal de jeux, justement, de jeux plats et beaucoup de jeux VR, beaucoup trop de jeux de VR, justement, qui essayent de toujours en fait faire la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours des roguelites. On a eu After the Fall, Until You Fall. On a Hellsweeper qui vient de sortir. On a ce jeu-là du coup Foglands qui est sorti. Synapse, mine de rien. T'as très très peu d'élus en fait, et t'as très très peu de jeux qui sortent un petit peu du lot, et les autres en fait paraissent complètement génériques parce que ils proposent un petit peu tout le temps la même chose, quoi. C'est celui dont on a parlé avant là, qui vient d'être annoncé aujourd'hui dans la démo est gratuite, j'ai déjà oublié le nom, de Fast Travel. Ghost Signal. Ah, voilà, Ghost Signal. Aussi un roguelite, donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'est. T'avais Indes aussi. Cosmodred sur PSVR, ouais, sur PSVR. Cosmodred aussi, roguelike. Cosmodred. Voilà, enfin, ce serait peut-être temps de faire un petit peu, essayer autre chose, quoi, je sais pas, de essayer d'autres. Des jeux d'aventure. Des jeux d'aventure avec une petite histoire sympa. Des jeux solo narratifs à la troisième personne déjà développés. Parce qu'en plus, alors du coup, j'allais dire on se plaint pour le coup, mais c'est un jeu qui est à la fois jouable en plat et en VR. Ouais, c'est bien. C'est bien pour les joueurs plats. C'est bien pour les joueurs plats. Ouais. Non, ce qu'on demande, c'est des. Ouais, bon, c'est pas, c'est un peu ça. Tu m'as compris. J'ai compris. Mais c'est non, c'est des, ouais, c'est. Ouais, je sais pas pourquoi répondre. C'est ce qu'on demande, mais avec des plus grosses licences, quoi. Tu vois. Où est la version PSVR 2 de Spider-Man 2, quoi, tu vois. C'est ça. Mais on reviendra. N'attendez plus rien, d'ailleurs. Ouais. Si Spider-Man 2 est pas en VR, je pense qu'il y en aura aucun. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet et sur le débat dans un très prochain test qu'on va aborder. Il y a aussi donc, la news vient de tomber, Behemoth de Skydance. C'est un jeu où on avait juste eu droit à un trailer Il a l'air magnifique. Qui était très beau. C'est un trailer en CGI. Non, c'est ce qu'on aura, c'est le rendu final. Bien entendu, ouais. Sur Quest 3, je suis pas ça, c'est sûr. Sur Quest 3, je pense que c'est vrai, c'est la version Quest 3 en fait. Exactement. Et voilà, et du coup, comme le PSVR 2 n'a pas les épaules pour avoir ce genre de production là, il passe de fin 2023 à fin 2024 au niveau de la date. On ne sait pas grand chose encore sur ce jeu là. Ça sera peut-être encore un roguelite générique. On n'a rien vu générique. Encore, ouais. On a pas c'est un FPS type RPG. Ça ressemble pas à du Skyrim un peu ? Si, parce qu'il y a de la neige. Bah si. Et des trolls. Oui, il y a de la neige, il y a des trolls, il y a des grosses bêtes, ouais. Voilà, c'est Skyrim. Des dragons. Genre de... Mais ça veut pas dire que c'est un. C'est un monde ouvert. Des êtres de roche, des montagnes de. Ça veut pas dire que c'est un monde ouvert, quoi. Ça fait penser aussi à Shadow of Colossus, ça fait penser à Castlevania, celui de Kojima, ça fait penser à plein de trucs, hein. Mais en tout cas ça donne envie, même si on sait pas grand chose sur ce jeu là et donc voilà, on n'est pas prêt d'en savoir plus parce que du coup il est reporté à fin 2024 et donc on verra un petit peu. Va falloir attendre un peu. Est-ce que vous pensez qu'on va le voir à la PGW 2023 celui-là? Non, moi pour moi ça va être un golem sur PSVR 2 celui-là. Golem était bien. Dans le sens, ouais, Golem, il était annoncé dès les précommandes du PSVR. On avait vu le premier trailer pour les précommandes et il a dû arriver à peu près 3 ou 4 ans après. Donc quasiment sur la fin de vie du PSVR, on a eu notre Golem. Et à mon avis, lui, il pourrait bien suivre le même chemin, quoi. Golem qui avait une intro scénarisée et qui ensuite se transformait en roguelite aussi. Donc un jeu où tu avances, tu perds, tu gagnes des trucs et tu recommences. comme si c'était la seule façon de faire des jeux VR avec des grosses durées de vie, quoi. Donc on verra, peut-être que ça sera ça, on sait pas. Bah ouais, remarque, t'as moins de niveaux à développer. Bah ouais, mine de rien. Donc voilà, on saura un petit peu plus, du coup, fin 2024, en tout cas, si on survit à tout ça. On va passer au test, messieurs, du coup, maintenant. Mm-hmm. On peut. Quelle ambiance ! Alors, on va commencer. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux, mais il y a aussi beaucoup de déceptions. Il y en a. Sur plein de trucs. Donc, Alors, est-ce qu'on peut commencer par Hubris ? Qui est-ce qui a testé Hubris ici ? Alors, moi. Toi. Enfin, j'ai testé pas du début à la fin, j'ai joué 2 heures, donc ouais, j'ai fait le tuto et une bonne partie du début de l'aventure, visiblement. Alors, selon tes dires, le jeu dure 6 heures. Oui, je l'ai fini en 6 heures sur PC. Toi, tu l'as fini sur PC, voilà. Et là, du coup, c'était l'occasion de tester la version PSVR 2 qui est sortie au mois de juin, le 22, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Cyborn qui réalise ça. C'est un jeu qui a été attendu longtemps, qui est sorti sur PC, qui est également sorti sur Quest. Oui. Et puis la première chose que j'ai envie de dire, c'est que là on s'est pas foutu de nous pour le coup, puisqu'on a quand même une version qui est plus jolie que celle sur PC, bien plus jolie que celle sur Quest. Et ça, c'est surtout, en grande partie dû à, on va dire, à la dalle OLED et à ce qui est capable de ressortir comme couleur le PSVR 2. Et également, il y a un peu plus de textures. Enfin, les textures sont plus affinées sur la version PSVR 2 que sur la version PC, pardon. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, petit briefing, on arrive au départ. Bon, je pense que le tuto, de toute façon, tu l'avais mis dans ta vidéo, et puis je pense que vous avez largement le temps de le voir, donc je vais pas revenir là-dessus. C'est très joli, le gameplay est assez simple. C'est un mix d'énigmes et de d'escalade un peu et d'escalade, un voilà, peu escalade, ouais. Et de plateforme. Je cherchais le terme plateforme. Donc ça se marie plutôt bien, c'est assez agréable à parcourir à partir du moment où, enfin moi j'aime contempler, donc je passe mon temps à regarder autour de moi, à regarder les textures, à me rapprocher, voilà, faire des petits essais, tout ça. Donc ça me va bien. Après, c'est vrai que ça reste un peu mou du genou dans certaines phases et dans la progression. La narration aussi, hein, qui est pas, enfin, il y a pas vraiment de. Les gunfights, ils sont pas très. Ouais, c'est ça. C'est un peu mou, quoi. Il y a pas vraiment c'est de. Pas, tout, mais tout, hein. Même quand t'as les genres de tics énormes là, qui te sautent dessus, très inspiré de Halo. Les tics encore, ça va. C'est parce que tu les retrouves. Elles sont molles. Non, mais elles sont molles, en fait. En fait, la première fois que tu les vois, en fait, justement, c'est dans un espace assez ouvert, et du coup, ça te permet d'appréhender justement la première fois que tu les vois, et donc du coup, tu as le temps de les voir venir. Et là, c'est mou, effectivement. Quand tu les croises dans un couloir et qu'elles te surprennent, déjà, ça fonctionne un petit peu mieux. Mais dans la globalité, vraiment, les phases de shoot, sont molles, en fait. T'as pas d'effet de frag, tu vois, d'effet sympa de frag, justement, que tu peux avoir dans After the Fall, justement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, c'est très organique, c'est que ça explose. Tu vois, même quand tu tues un ennemi humain, il se dématérialise. Enfin, ça reste. Ça sert le gameplay aussi, parce que ça évite d'avoir des trucs à gérer au sol, mais ça te donne cette impression de légèreté. Enfin, tu sais, ton ennemi il fonce, tu veux, tu vas pas lui casser un os, si tu veux, en lui tirant dessus ou quoi. Donc c'est pour ça que t'as pas aussi non plus. Cela dit, cet aspect frag, mais au bout de 4 heures à peu près, tu commences à rentrer dans des bases extérieures, des passages qui m'ont fait un petit peu penser de très loin à Star Wars, au Star Wars du Quest 2, où t'as des Tales from the Galaxy Edge. Merci. Et t'as des parties justement où tu dois aller justement dans ces bases là, où ça commence à être un petit peu action, et puis vraiment envoyer un petit peu quand même de l'action un peu plus frénétique, quoi. Ça fonctionne plutôt bien. Ça rend pas le frag plus intéressant, mais en tout cas, voilà, il y a un peu plus d'action et c'est quelque chose d'un peu plus énervé. Donc, pour ce que ça vaut, faut s'y tenir. Après, faut savoir aussi que un petit peu comme Propagation Paradise Hotel, c'est un premier épisode. Ça se finit par une virgule, sans spoiler quoi que ce soit, et que pour moi, c'est pas satisfaisant. On avait déjà parlé justement sur le jeu PSVR 1, les premiers épisodes qui n'ont pas de suite, ou les jeux qui n'ont pas de suite, alors qu'ils se terminent par des virgules et puis t'attends la suite et tu l'as jamais. J'espère qu'on recommence pas dans les mêmes travers justement avec Propagation Paradise Hotel et puis Hubris. J'espère que le jeu aura suffisamment de succès pour qu'on ait la suite de l'histoire quoi. T'avais aussi Robinson The Journey aussi qui faisait comme ça, c'est ultra frustrant en fait. C'est vrai. Sur PSVR on en a eu un paquet hein. C'est ça. Ouais, il y en a plein. Bah, d'ailleurs, il y en a pratiquement aucun qui a. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé quand même. Hein. Non justement. Ça fait longtemps justement qu'on n'a pas eu cette mode des jeux qui se terminaient, qui était un premier épisode qui donnait pas leur nom, qui se finissait par une virgule. On n'avait pas la suite. Il y en avait beaucoup au début du PSVR et là, on en a quand même quelques-uns qui reviennent aussi au début du PSVR 2. Donc c'est un peu. Après, il est sorti sur toutes les plateformes, donc ça aide aussi. C'est vrai que sur PSVR, au lancement, c'était surtout monoplateforme. Il n'y avait pas autant de, casques qu'aujourd'hui et de possibilités de développer en VR qu'aujourd'hui. Quoi. Donc voilà, non, après, écoute, ça reste dans la moyenne. C'est pas ouf, mais c'est pas tout pourri non plus. Quoi. Voilà, il est à 29,99, 6 heures de jeu à peu près. C'est honnête. C'est très honnête. C'est très motion gaming hein, si vous aimez nager en réalité virtuelle. Ah ouais, virtuelle. Non, c'est vrai. Ah mais j'avais oublié ça. Ça par contre, c'est pas possible. Si vous aimez nager en réalité virtuelle et puis voilà. Non, c'est relou. Bouger des bras, moi aussi ça me saoule. Mais si vous aimez ça, en tout cas, bah, vous allez être servi hein, parce qu'il y a carrément au milieu du jeu des parties dans des zones assez vastes où t'as des énigmes et tout se passe sous la flotte. Ah, j'ai pas encore vu le pire en fait de ce. Et moi j'étais encore avec le truc où tu joues avec les tentacules et tout, tu vois, tu récupères, tu lootes les tentacules et puis tu t'amuses un peu avec quoi. J'avoue, après il y a des petits problèmes de collision et de physique aussi, je me suis retrouvé à tomber, enfin à pas réussir à sauter au bon moment, je suis tombé 2-3 fois au même endroit, et pareil, enfin l'habitude d'Horizon où justement tu avais, quand tu fais des parties d'escalade, où tu avais quand même... un module d'escalade qui était très réactif, si tu veux. Donc, dès que tu fermais la main, tu t'accrochais de suite. Ah, là, peut y avoir des loupés, ouais. Là, on est quand même sur quelque chose avec une plus grande latence, quoi. Je veux dire, c'est pas aussi intuitif sur l'escalade que Horizon. Il y a aussi quelques couacs là-dessus, mais. Je l'ai trouvé, moi, assez intuitif. Moi, je l'ai fait que sur PC, mais je l'ai trouvé quand même assez plaisant, le fait de pouvoir sauter comme ça en balançant les. C'est surtout ça qui est sympa de pouvoir sauter soi-même, d'appréhender les distances par rapport à Horizon où là t'es vraiment aidé. Un petit côté stride, tu vois. Non, je parlais surtout sur l'escalade et le fait de t'accrocher parce que pour attraper des morceaux d'échelle, des fois ça bug, tu vois, t'agripper au rebord quand tu veux sortir de l'eau et tout, des fois ça bug. Enfin, tu vois, c'est pas toujours là-dessus, c'est pas toujours très fluide. Non, après sauter, oui, t'as un saut libre avec un petit effet d'apesanteur en plus. Ouais. Donc, dans les conduits où tu as les tuyaux, moi j'ai été obligé de relancer le jeu. En hauteur et tout, et des fois tu vas pour lâcher le sens et puis t'essayes d'accrocher l'autre, mais l'autre se foire. Ça marche pas. Voilà, donc il y a 2-3 trucs effectivement comme ça qui sont. Mais 30 balles, c'est honnête. À améliorer, mais ouais, voilà. C'est ça. Et très beau. Enfin, voilà, il est vraiment beau. Et puis. Ouais, par contre, il est très beau. Ouais. Les personnages sont vraiment bien foutus. C'est un peu l'effet Red Matter 2. Hein. C'est un peu le jeu où t'as pas énormément non plus de textures en volumétrie. Enfin, tu vois, c'est relativement plat, mais avec une définition plutôt élevée. Donc, c'est ce qui fait que le jeu est relativement propre. Par contre, une fois que tu l'as fini, tu reviens plus dessus. T'as aucun intérêt de le refaire, hein. Clairement. Comme majorité des jeux auxquels je joue, donc ça c'est pas un argument pour moi, mais. Bah Resident 8, par exemple, tu le termines, tu vois, tu peux le refaire parce que tu peux performer, essayer de voir des trucs que t'aurais raté la première fois. Là, vu que c'est de la ligne droite, t'as pas compris. Moi, j'ai fini le jeu, j'y joue plus. Non, mais ça c'est. Au moins tu l'as fini, c'est déjà ça. Mais tu vois, t'as des jeux quand même qui ont un petit goût de reviens-y. Tu vois, moi j'ai fini Resident 4, j'ai recommencé quoi, direct. En plus, t'as plein de des mini-boss dans RE8, des trucs comme ça que tu vois. Voilà, exactement. Des choses que tu aurais pu passer à côté. Dans Hubris, t'as rien, c'est de la ligne droite. Tout ce que t'as vu, tu verras rien d'autre en fait. Tu peux rien rater. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je relance pas un jeu en général quand je l'ai terminé, j'y remets pas les pieds, quoi. Enfin si, je mens. Il y en a un seul avec lequel je le fais, c'est Zelda No Man's Sky. 3 sur. Non, mais je l'ai pas fini encore. C'est Zelda 3 sur Super NES. Ouais, c'est le seul jeu auquel je me relance régulièrement dedans, que je le refinis jamais d'ailleurs, mais j'aime bien recommencer le début et avancer encore. Voilà. Ok. Hubris, pas mal. Tu nous as parlé, Laurent, au début d'émission, de tes mésaventures avec des tentacules en forme de. Oui, dans Hubris, une espèce de gros zizi de papy tout mou. En forme de zizi, de... c'est ça. Voilà, très bien. D'ailleurs, quand tu les as, t'as trois sondages mentaux chez Air Player. C'est assez drôle. Non, mais franchement, on a tous. Tous ceux qui ont joué à Hubris, ils ont joué avec. C'est obligé. Ils ont halluciné avec ce truc. Tu vois le truc, tu te dis waouh, putain, pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et puis c'est porte ouverte pour plein de conneries, genre de truc. Mais moi, le souci que j'avais, c'est que donc c'est des espèces de trucs élastiques. C'est ce genre de tyrolienne que tu dois fixer. Voilà, des tyroliennes que tu dois fixer d'un mur et que tu dois balancer à l'autre extrémité pour qu'elle se raccroche à l'autre extrémité. Et j'ai été obligé de relancer le jeu parce que déjà la première extrémité, j'avais beau la poser sur le bloc, parce qu'il y a des espèces de blocs dans lesquels tu peux les accrocher, et le truc ne se bloquait pas. Et j'étais obligé d'éteindre le jeu et de tout relancer parce que ça ne marchait pas. Et la fois suivante, ça a fonctionné. Donc je dis, tiens, il y a des bugs. Des petits bugs. Mais ouais, globalement, je l'ai trouvé très joli. Il n'y en a pas un peu mou aussi, ouais. Mais, un peu mou, c'est ça. Vous avez dit, je suis d'accord. Ouais. Bien, mais peut mieux faire. Vie sur ses acquis. Mmh. Voilà. Moyen plus, moi, je dirais. Moyen plus. Ouais, c'est pareil, quoi. Voilà. C'est du 12. C'est du 12 sur 20, quoi. Voilà. Assez bien. Ok, très bien. Et bah, est-ce qu'on peut passer, du coup, la surprise un petit peu qu'on a eue cette semaine sur le store PSVR 2, à savoir la sortie, enfin, de Projet Wingman. Exactement. Tu veux parler de Ace Combat 7 ? Ace Combat 7 2. Ace Combat 7 1 et demi. Aïe. Alors, sachant, ouais. Rappelons les choses un petit peu. C'est un jeu qui est sorti déjà il y a quelques années sur PC. Deux ans j'ai eu. 2020, je crois. 2020. 2020, donc ça fait déjà 3 ans. Quelques années sur PC. Full compatible VR, c'est-à-dire que tu as toute la campagne et tu as tout le jeu qui est en réalité virtuelle. Simple. Clair, normal, efficace. Le beau, je l'ai réessayé pour les captures hier. Il a vieilli un peu. Il a un peu vieilli. Mais voilà, un truc que les gens attendaient, c'est-à-dire que dès que Ace Combat 7 est sorti sur PSVR et même sur PC, les gens se sont dit pourquoi est-ce qu'on a que 3 missions et pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout le jeu en VR. Du coup, c'est toi qui fais la news, en fait. Et ils se sont dit, sur PC, quand ils l'ont sorti sur PC, ils se sont dit, on a entendu les joueurs, on va faire tout le jeu, on va mettre tout le jeu en VR et ça va être trop bien. Et voilà, et sur PC, c'est trop bien. Puis, il est sorti sur PSVR 2. Majo, c'est à toi. Il vient de sortir, exactement. Donc, encore une fois, hein, comme on disait tout à l'heure, dans l'ignorance la plus totale, parce que c'est quand même... c'est quand même un jeu qui était relativement attendu par tous les possesseurs du casque. Pourquoi ? Comme tu l'as dit, parce que Ace Combat 7, c'était un peu la frustration, dans le sens où on avait 3 pauvres missions et 1h30 de durée de vie. Et là où on aurait pu avoir... à 70 balles. Moins, on espérait, ouais, à taux plein. 70 balles. Où on espérait avoir un jeu complet. Et la sortie de Projet Wingman, justement, sur PCVR, on était envieux. On s'est dit, putain, voilà, super. Et donc, quand l'annonce a été faite sur PSVR 2, la joie, la passion, superbe. Puis c'est vrai que, on voyait des images, mais ça communiquait pas trop. Et puis là, c'est sorti. Et puis il y a eu un petit trailer. Et puis en même temps que le trailer, c'est apparu sur le store. Et puis il y a un petit article sur le PS Blog. Et puis l'article sur le PS Blog, déjà, il était pas très. Enfin, il est à la fois clair et ambigu, si tu veux. Rien que dans le titre. Donc le titre, c'est Le passionnant jeu de combat aérien indépendant. Arrive aujourd'hui sur PSVR 2 et PS5. Donc. Ils introduisent quand même le PSVR 2 en premier avant la PS5, avec des nouvelles missions et des fonctions VR. Et ce terme fonction VR, quand tu le lis, ça, c'est soit tout bon, soit tout pas bon. Et en l'occurrence, bah là, c'était tout pas bon. Et c'est tout pas bon pourquoi ? Bah parce que, bah, à l'instar de sa version PC, bah, la campagne solo n'est pas jouable en VR. Pourquoi ? À l'instar ? Non, au contraire. Ouais, ça veut pas dire ça. À l'instar, bon, c'est bah, comme... À l'opposé, alors. Ouais. Excusez-moi. Donc, je relirai mon dictionnaire ce soir. donc, à l'opposé de sa version PC, la campagne solo n'est pas jouable en VR. Voilà. Donc, bah ça, c'est la première grosse déception. Non, mais sérieusement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, arrive en fait, parce que c'est pas projet Wingman, c'est projet Wingman Frontline 59, tu vois. C'est une version améliorée de projet Wingman. Mais cette amélioration, en fait, c'est 6 missions. Donc, tu as 6 missions supplémentaires, donc qui sont bien différentes hein, de la campagne solo, puisque quand tu lances le jeu, en fait, tu vas avoir le mode campagne, le mode Frontline 59 et un autre mode. Je crois que c'est le mode libre ou le mode briefing ou entraînement, peut-être. Je m'en rappelle plus. Et en fait, tu n'as que ce mode Frontline 59 qui est jouable à la fois en plat et en VR. Donc, ça comprend quoi ? Ça comprend 6 missions différentes. Des missions dans lesquelles en fait, au sein desquelles tu auras des objectifs et des méthodes de pilotage, on va dire différents. La première, le but c'est de t'apprendre à voler en gros, donc tu vas avoir un décollage avec un vol, un suivi d'ennemis, de la traque, etc. La deuxième, c'est un support, donc là tu vas devoir défendre, on va dire, une zone. La troisième, ça va être un convoi à suivre. La quatrième, plan de vol non conventionnel. Bref, je vais pas toutes les faire de toute façon. Mais voilà, en gros, le principe il est là pour ce mode VR. Et la première mission, je l'ai faite. Alors je me suis crashé lamentablement. Peut-être je vous le mettrai si vous êtes sage dans la vidéo du pod. J'ai mis à peu près une quarantaine de minutes. Je pense que j'étais à la fin. Mais déjà cette première mission, tu vois vraiment que c'est un tuto parce que c'est tu décolles, bon la narration s'installe un peu, alors déjà c'est anglais sous-titré français, t'as la possibilité d'avoir des sous-titres gros ou petits, mais franchement dans l'action ça change rien, tu t'as pas du tout le temps de lire les sous-titres. Oui, c'est clair, tout en anglais hein, d'ailleurs, dans les voix. Hein. Ouais, doublage intégral en anglais et d'ailleurs un anglais à la radio en avion. Et donc, ça parle tout le temps. Ouais, exactement. Et c'est très très difficile à suivre et à comprendre. Franchement, j'ai rien pipé au scénar, je vous le dis direct. C'est du S-Combat. Le scénar, c'est du S-Combat. C'est... Ouais, bah, du mode campagne, mais pas du mode. Pas du Frontline 59. Enfin, ça se mélange quand même à la campagne de base. Mais je pourrais pas trop vous dire. En gros, on est une recrue. On est là, on est un peu mis là, contraint et forcé, parce qu'on est réserviste, voilà, je cherchais le mot. Mis là, contraint et forcé, en fait, et puis on se fait un peu traiter de noob par nos partenaires, et puis bon, ils vont commencer à voir que finalement, on est bon, voire même meilleur qu'eux, vu le nombre d'avions que j'ai abattus. Mais tout ça pour dire que voilà, cette première mission, c'est vraiment un tuto, dans le sens où, en fait, tu décolles, l'histoire s'installe, t'avances, première vague ennemie, tu la détruis, tu vas plus loin, deuxième vague ennemie, tu la détruis. Troisième vague ennemie qui vient sur toi, tu détruis. Quatrième vague ennemie, enfin tu vois, ça s'enchaîne. Voilà. Bah le jeu de base, c'est un peu ça aussi quand même. Hein. Non, je comprends, mais ce que je veux dire là, c'est vraiment pour t'apprendre à faire du suivi, à arriver à viser avec ta Gatling. Enfin voilà, les munitions, pardon, d'ailleurs sont limitées, donc t'as quatre types d'armes spéciales différentes et la Gatling. Arme spéciale que tu peux choisir au début. Alors pour cette première mission, il n'y avait que deux avions différents. Alors je suis désolé, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas parler des modèles. Mais si vous regardez la vidéo, pareil, je pense que vous les reconnaîtrez si vous y connaissez mieux que moi. Mais pour le coup, c'est pareil. Tu peux personnaliser ton avion avant la mission, donc avant chaque type de mission. Et donc tes munitions sont limitées. Et je me suis retrouvé à court de missiles, de munitions pour la Gatling. Oh. Donc il me restait que mes suivis, mes munitions de lock. Et c'est pas hyper simple. Donc voilà, faut apprendre à être suffisamment proche, etc. Et en fait, plus t'avançais dans ces vagues, plus c'était difficile. T'as 4 niveaux de difficulté, donc j'ai joué en mode normal, et le mode normal est quand même déjà relativement ardu. Et donc voilà, je me suis fait piéger donc dans cette mission, je pense à la fin en fait, où je suivais un ennemi et en fait il a réussi à me faire rapprocher suffisamment du sol pour que j'ai pas le temps de redresser en fait, et je me suis crashé comme ça. Voilà, donc petite particularité aussi, donc pour le suivi ennemi et le lock, ça se fait avec l'eye tracking. Donc en fait, il suffit de locker, bah, du coup, de regarder l'ennemi que vous voulez suivre. Le lock va se faire sur lui, et ensuite, bah, il faudra réussir à adopter la même trajectoire que lui pour arriver à l'engager et puis tirer au bon moment ou le viser directement avec la Gatling. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Techniquement, c'est pas ouf. C'est pas ouf au sol, c'est pas ouf quand tu décolles de près. Maintenant, c'est relativement net. Les explosions sont plutôt pas mal. Je trouve les nuages sont dégueulasses par contre. Les nuages, en fait, ils ont un volume, enfin, ils sont volumétriques, mais pas très détaillés. On a l'impression qu'ils ont une définition qui est quand même assez basse. Ouais, par contre, quand tu rentres dedans, t'as un espèce d'effet justement sur la carlingue qui est quand même assez. J'ai pas pris le temps de regarder la carlingue, mais j'ai trouvé en tout cas que d'un point de vue visuel, c'était pas top. Donc je m'y relancerai de toute façon. Je verrai un peu plus en détail, mais j'ai pas trouvé ça transcendant. Je suis pas un partisan non plus de la parler de la reprojection. Mais là, il y en a. Bon, comme tous les jeux, 90% des jeux du catalogue. Ça me dérange pas en général. Là, ça m'a dérangé un peu dans le sens où, quand tu suis un ennemi, en fait, tu as ce décalage. Alors, ces petits ronds et rectangles verts, en fait, tu as ce décalage en permanence et tu arrives même à des fois mal évaluer la distance qui te sépare d'un avion à l'autre. Mmh. Et ça peut être un peu ennuyeux aussi parce que pour suivre la trajectoire d'un avion, il faut que tu vois quelle est son orientation. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction de comment est l'avion, si tu veux, tu vas voir si il va redescendre, il va remonter, il va aller à droite, à gauche. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut anticiper pour justement gagner du terrain sur lui. Et c'est vrai que avec la repro, dans ce jeu en tout cas, j'ai un peu de mal. Et est-ce que tu as des missions justement aussi où tu as par exemple des lance-missiles au sol qui sont en général les uns à côté des autres, très très proches, et quand tu te rapproches justement, tu peux avoir justement tes deux carrés pour pouvoir leur balancer des missiles. Et justement, avec la reprojection, si tu es un petit peu en mouvement, tu peux avoir tendance à avoir du coup le dédoublement et avoir quatre trucs. Et du coup, comme tu disais, pas forcément bien évaluer les distances, même au sol, et pas savoir qui loquer en premier. En général, tu loques le premier et ensuite tu loques le deuxième. Ça, je pourrais pas te dire dans le sens où j'ai pas encore fait de mission avec des ennemis au sol. D'accord. Pour l'instant, j'ai fait que la mission aérienne. Là, en tout cas, alors c'est pas. Enfin, encore une fois, c'est pas injouable. Loin de là. Mais par contre, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un petit peu gênant. Voilà. Pour moi, en tout cas, ça a été un peu gênant. Pour le reste, la sensation de vitesse fonctionne très très bien. C'est full manette. Pas de VR de Sense. Du moins, c'est pas annoncé ni sur le store ni dans l'article. Pas de compatibilité au TAS. Désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, j'ai dit une quarantaine de minutes, du moins pour celle-là. Donc, il y a 6 missions, 6 fois 4, 24, ça fait à peu près 4 heures de jeu. Mais ça va vraiment dépendre du niveau auquel vous jouez parce que c'est vraiment les ennemis sur la fin en fait sont plus résistants que les premiers. C'est-à-dire que là où au début de la manche il fallait un missile pour éclater un avion, là il va en falloir deux. Voilà. Ou un peu plus de balles, tu vois, de nouveaux modèles d'avions exactement. Bien sûr, il y a les leurs, je l'ai trouvé par alors après c'est peut-être le mode de difficulté dans lequel je jouais qui veut ça, mais je l'ai trouvé plutôt facile pour quand on est ciblé pour esquiver les missiles. J'ai en tout perdu que 25% de ma vie sur la durée totale de la mission avant que je me crache, bien entendu. L'avion rebondit pas d'ailleurs, si jamais il y en a qui avaient des doutes. Et puis voilà, il y avait que deux avions aussi pareil à choisir dans la première mission à laquelle j'ai joué. Alors j'espère que ça va s'étoffer un peu En avançant, j'ai pas vu de. Si, y a une... Je crois qu'il y a une petite. Attends, est-ce qu'il y a. Ouais, il y a peut-être une petite notion RPG. Parce que tu peux acheter des munitions au début. Alors, je sais pas si c'est au choix, par défaut, dès le départ, ou si tu gagnes de l'argent ou de l'XP au fur et à mesure. Tu me confirmes, ça y est. Je t'ai pas écouté, excuse-moi. T'as dit quoi ? Ah, merci. je sais pas s'il y a une petite notion RPG pour faire évoluer tes avions. Mais en fait, tu peux acheter du matos, tu peux acheter en fait tout type de missiles air-air, sol-air. Ouais, ça oui, mais comment tu gagnes la monnaie du coup ? Tu gagnes la monnaie en fait en terminant les missions. Selon en fait que t'es pas trop de dégâts, justement, tu gagnes plus de. D'accord, ouais, bon, ça doit être peut-être un peu dans le même esprit. Voilà, plus de thunes en fait, et puis si t'en perds pas trop, justement, en foirant et en bouffant tout ton matos. Et en défonçant ton avion, et ben en fait, bah, tu peux gagner quand même pas mal de crédits. Ça te permet d'acheter d'autres avions et puis de te stuffer comme ça, quoi. Assez facilement, donc, d'ailleurs. Ouais, full manette, les retours haptiques du casque fonctionnent bien. Quand tu croises un avion et tout, t'as vraiment ce tremblement qui est avec un petit décalage et qui s'estompe au fur et à mesure que l'avion s'éloigne. Je trouvais ça plutôt pas mal. Pareil, quand tu te fais tirer dessus, c'est plutôt bien géré. C'était assez agréable. Un truc qui m'a un peu, c'est pareil, c'est pas le genre de truc qui me dérange d'habitude, mais j'avoue que là, bon, c'est plus lisible quand t'es dans le cockpit, mais pas de bras, pas de chocolat. Ton pilote n'a pas de bras. Ah bon ? Pas de tête, pas de bras. Oh. Voilà. T'as un tronc qui est posé sur le fauteuil et puis voilà. Il y a les jambes. Tu regardes comme ça, il y a un trou. Il y a les jambes. Il y a les jambes par contre. Et il y a les jambes sur PC qui rentrent complètement dans le cockpit. Des fois, ça dépend des avions en fait. Et il y a un putain de bug. Ça oui, mais ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc alors ça j'ai pas eu, mais par contre t'as pas de bras. Voilà, t'as un personnage qui est manchot. Et puis voilà, bon, ben après toutes les installs voilà du cockpit qui sont opérationnelles et utilisables, bien entendu, avec le regard. Donc là-dessus, niveau immersion, on est assez servi, je trouve, et ça va très très vite. Hein. T'as pas trop le temps de regarder le paysage. Si tu joues vraiment le jeu à fond, t'as pas trop le temps de regarder le paysage. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce pour un projet fan Wingman du Frontline 59. Pour un fan d'Ace Combat, c'est il de quoi son compte. Pour un fan d'Ace Combat, d'Ace Combat 7, pour un fan. Tu le recommandes ? Il trouverait son compte. Il sera toujours plus gâté qu'avec Ace Combat 7, c'est sûr. Maintenant, est-ce que je peux me permettre vas-y, Amand. Le jeu en lui-même est bien. Enfin, est bien. La partie qui est proposée en VR pour l'instant, elle est intéressante, si tu veux. Mais encore une fois, c'est pourquoi il n'y a pas le jeu de base, en fait. Est-ce que je peux me permettre un petit coup de gueule là ? Ouais, mais tu peux. Je pense que je vais te suivre, hein, ouais. Pour le coup, parce que voilà, encore une fois, je dis ça me plaît pour l'instant de ce que j'ai joué, mais il y a un truc qui m'agace vraiment en fait dans la façon de penser des développeurs et des éditeurs. Même si le contenu supplémentaire proposé est très très bien sur ce projet Wingman sur PSVR 2, le jeu est sorti en 2020 sur PC. Il était full VR. Le jeu était connu quand même. Je veux dire, c'est la communauté PC, quand il est sorti, l'a vu justement un petit peu comme le Messi. Il y a quand même des gens qui sont attachés à la licence Ace Combat qui ont vu dans ce jeu-là, qui a été fait aussi par des fans de Ace Combat et qui leur ont proposé des choses que les gens qui aimaient justement les Dogfight Arcade attendaient. C'était très très bien. Quand est-ce que les éditeurs et les développeurs vont se mettre dans le crâne qu'une fois qu'un joueur VR à essayer une mission en réalité virtuelle, toute la partie plate à côté ne lui sert à rien. Jamais il ne reviendra en arrière. C'est impossible. Ace Combat 7, j'ai kiffé les 3 missions qui étaient en réalité virtuelle. Le reste du jeu, j'ai fait 5 missions, ça m'a cassé les bonbons et j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Parce que je me suis dit, en plat, ça n'a aucun intérêt. J'ai essayé le mode campagne, justement, sur le casque et en plat, et franchement... Bah oui, c'est chiant. Bah voilà, non, mais c'est chiant comme un jour, comme un dimanche sous la flotte, quoi. Et je ne comprends pas justement que la version PSVR 2, comme ça a été le cas pour Tekken 7, comme ça a été le cas pour Gran Turismo Sport. Mais là, c'est encore pire. Pour Gran Turismo Sport, mais je sais que c'était pire. Pour moi, c'est du. Non. Projet Wingman, c'est pire que Gran Turismo Sport et Tekken 7. Mais pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on propose en fait un bonus en VR. à des joueurs. Quand est-ce qu'ils vont se mettre en tête que voilà, tu peux pas revenir en arrière une fois que tu commences à jouer en VR, après tu peux pas continuer en fait ton jeu en plat normal, c'est pas possible. Tekken 7, c'est parce que ça a été développé à la dernière minute à l'arrache et c'était uniquement pour mettre PSVR sur la boîte. Voilà. On est d'accord. Il y a GT Sport, il y a une explication, et l'explication elle est purement technique. Et on le voit même avec GT 7, malgré la PS5, tu as quand même des contraintes qui sont relativement importantes. Là, c'est plus il y a le cas. Zéro contrainte. C'est plus là, le cas. Enfin, projet Wingman, hormis le pas en vie, pour moi, il y a zéro contrainte. Parce que ce que tu retrouves dans le Frontline 59, c'est exactement la même chose que ce que tu retrouves dans le mode campagne quand tu lances le jeu au début. Quoi. Quelqu'un qui a le PSVR 2 et qui va essayer ses 6 missions et qui va surkiffer, est-ce qu'il va avoir envie ensuite de faire le jeu en plat? Non. Il va faire quelques missions au départ. En tout cas, c'est pas mon cas. Et ça n'aura aucun intérêt pour lui. De toute façon, tu refais pas tes jeux, toi. T'as des licences. Mais là, c'est le mode campagne. C'est autre chose. C'est un complément. C'est l'histoire d'origine. T'as des licences, t'as des licences, et vous serez d'accord avec moi, Leroko et Majo, comme Killing Floor, qui ont l'intelligence, justement, de sortir leur version. Le 1 et le 2 en plat. Très, très bien. Et puis, ils ont sorti quand même une vraie version pour. Mais à part. Justement, incursion en VR spécialisée, qui était vraiment prévu pour la VR. Quand bien même il pourrait pas, qui était très très bon en plus et très sympa en coop. Même s'ils avaient des problèmes techniques pour sortir leur jeu qui était coop et en plus c'était un Left 4 Dead un petit peu plus hardcore en plat, qui s'adaptait pas forcément pour tout le monde en réalité virtuelle, mais en tout cas ils ont une intelligence de proposer un truc à part, un jeu que tu as acheté à part de cette même licence. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un projet Wingman Road 59 là à part Frontline, s'il te plaît. Frontline 59 ou je sais pas quoi. Le proposer à part, le proposer à 15 balles, tu vois. Et puis après, le jeu plat à côté. Quel est l'intérêt de foutre un putain de bonus comme ça avec juste 6 pauvres missions alors que le jeu, en plus, existe sur PC? Non, mais totalement ça y est, même ton argumentaire, il est pas bon. Enfin, je veux dire, qui nous mette 6 missions supplémentaires pour nous féliciter parce que c'est cette version PlayStation 5 qui sort un an après la version PC, etc. Ok, mais qui nous laisse le mode campagne en VR? Bah oui, bien sûr. Je répète, quelle est l'explication? Enfin, je me pose vraiment la question de quelle est l'explication. Ce que je voulais dire, c'est que je voyais justement ces 6 missions-là. L'intérêt uniquement de les mettre, de les vendre à part, de pas les vendre avec le jeu plat de base. Soit tu proposes toute ta campagne et tout ton jeu en VR comme sur la version PC VR, soit ces 6 missions en fait tu proposes pas un jeu plat à des gens qui ça intéresse pas, tu vois. Faut qu'ils comprennent et qu'ils se mettent en tête que maintenant le marché VR et que les gens qui commencent des jeux surtout de ce type là et qui est demandé en réalité virtuelle, jouer à la même chose ou un truc équivalent en plat, ça ne les intéresse pas. Quand tu commences à jouer à Gran Turismo 7 en VR, y jouer en plat, ça ne t'intéresse pas. Quand tu commences à jouer à Wipeout en VR, y jouer en plat, c'est juste pas possible. Après, moi, RE8, hein, aucun intérêt mais en plat. Tu commences à jouer à RE8 en VR, en plat, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, et puis de toute façon, à partir du moment où tu t'es payé un casque à 600 boules, t'as envie de t'en servir de ton casque. Mais oui, soit tu proposes toute ta campagne en VR et puis tu proposes 6 missions supplémentaires, peut-être justement comme tu disais tout à l'heure, Majo, pour remercier les joueurs PSVR 2, c'est bonus, c'est en plus de la version PC qui a quand même 3 ans maintenant, ça fait plaisir. C'est surtout ça en fait. Et en plus, ça va pas frustrer les gens qui sont sur PC, dont je fais partie, parce que du coup, c'est une valeur ajoutée justement à un jeu qui était déjà très bon à la base en VR. Et t'as du contenu supplémentaire sur une autre plateforme. C'est très très bien dans ce sens-là. Pourquoi enlever toute une partie de la campagne, enlever toute la campagne et juste proposer 6 pauvres missions? Je comprends pas. Je comprends pas. Et franchement, ça m'emmerde. Pour moi, c'est une balle dans le pied, quoi. Surtout que la version PC est vendue 24,99€, nous à 30€. Donc la version complète du jeu est vendue 24,99€ sur Steam. T'as moins de trucs. Nous on paye 5€ plus et on a 6 missions. Ouais, oui, attention, en VR. Bah non, on a que 6 missions parce que sur Steam VR, elle est complète en VR. Oui, mais il est pas vendu comme un jeu VR. Et c'est bien ça le problème. Oui, et ça on a déjà eu cette discussion justement. Il est pas vendu comme un jeu VR. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils vendent les 6 missions à 10€. C'est malhonnête en fait. Non, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils vendent le jeu full VR. Il y a pas de raison. Non, je suis désolé, il y a aucune raison. Enfin, il y en a sûrement une, mais actuellement. Avec les faits, je vois aucune raison acceptable de ne pas sortir la campagne solo. Il n'y en a pas. Ah oui. Et ce qui va se passer en plus, c'est que les 6 missions sur le PSVR 2, elles vont débouler sur la version PC, et nous, nous, on n'aura pas de jeu complet, quoi. C'est pas dit, je pense pas. Mmh. Hein. Bon, ils vont bien essayer de faire des ronds sur les PC. Moi, c'est dont j'ai peur. Moi, c'est dont j'ai peur, c'est que il y a la version, la version campagne sera pas en VR et que c'est un petit peu comme Ace Combat 7, un petit peu comme Tekken et un petit peu comme tous les Resident. C'est Sony qui a envoyé le billet pour faire 6 pauvres missions supplémentaires pour le PSVR 2 en bonus. Non, mais ce serait un scandale. Je veux dire, 6 Mais j'ai l'impression que c'est ça. Je peux pas croire ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est possible. J'ai l'impression que c'est ça parce que quel intérêt? Quel intérêt de vendre un jeu? Le jeu il est déjà fait. Je vois pas qu'est-ce que ça. Quel intérêt de proposer ça? Mais je comprends pas en fait. Comme si le PSVR 2 était un accessoire bonus pour ceux qui aiment. Mais jamais tu pourras revenir en arrière. Ce genre de jeu avec ce genre d'annonce, moi je boycotte direct. Mais oui, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Hein. Ça fonctionne tellement bien sur PC. Putain, moi je comprends pas. Non mais c'est ça. Enfin. Encore une fois, c'est jouer sur les suppositions des joueurs et sur les supputations et sur la communication en sous-marin, quoi. Le fait que ça sorte vite, le fait qu'il y a un trailer qui t'annonce que c'est avec le nouveau jeu, parce que en plus c'est là où le vice il est poussé jusqu'au bout, parce que ça s'appelle Projet Wingman Frontline 59. Donc le jeu s'appelle comme ça et on te dit que c'est le Frontline 59 qui est jouable en VR, si tu veux. Donc dans ta tête, tu te dis ouais, le jeu il est comme ça, sauf que en fait non, t'as Projet Wingman et Frontline 59 qui sont deux trucs à part, tu vois. Donc la com est floue du début jusqu'à la fin et c'est ça qui est dramatique. Il y a ce manque de c'est malhonnête. Je sais pas si on appelle ça un manque d'ambition ou si c'est vu comme oui, c'est sorti, c'est vraiment malhonnête. Ouais. Tout à fait. C'est de la c'est de la malhonnêteté. Ils essayent de tromper le joueur. Parce qu'il y en a plein, des copains de mon fils par exemple, qui sont vraiment fans d'aviation et des trucs comme ça, ils voient ça, mais ils vont même pas chercher, ils vont s'y jeter dessus sans même lire ce qu'il peut y avoir sur Internet à ce sujet. Et quand tu as ton jeu en main, t'es complètement dégoûté, quoi, parce que même à 30 balles, parce que tu te dis putain. Je relativise quand même, complètement dégoûté, j'irai peut-être pas jusque là, parce que je te dis, les missions sont quand même relativement longues. Faudra que j'avance un peu plus. 70 boules pour une heure de VR, c'était. Mais c'était, moi déjà, mais ça c'était, m'avait une, fait c'était une heure des et cheveux, demie. C'était non, mais attends, Laurent, c'était une heure et demie et ça coûtait trois fois le prix. Là, on est quand même sur un jeu à 30 balles. Il y a des jeux à 30 balles qui font bien pire en termes de durée de vie et de qualité. Ce qui est emmerdant, c'est juste vraiment la place du PSVR 2 là-dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment bonus. Accessoire. Le PSVR 2, il est pris pour une merde, quoi. Accessoire bonus. Le petit plus, quoi. Ouais. Soyez heureux quand vous avez donné 6 missions, en fait, sur un jeu qui à la base était full VR. C'est comme s'ils avaient sorti le message qui est envoyé. C'est comme s'ils avaient sorti Hitman 3 à l'époque, tu vois, avec des missions VR et qu'ils étaient sortis uniquement le tuto, une mission, tu sais, sur les 6 ou 7 présentés dedans. Bah, c'est la continuité du PSVR 1. Quand tu commences comme ça. On peut réemployer le terme d'expérience. C'est exactement ça, c'est une expérience. Ouais. Et c'est frustrant parce jusqu'à présent, on n'en avait pas trop des expériences, et là, ça commence à arriver en fait. Ah, ça commence à arriver à nouveau en fait. Ça commence à revenir. Tu vois, c'est bien, ça sent bon. Hein, t'aimes bien jouer comme ça. Hein. Bah, tu vois, c'est fini. Le jeu complet, tu l'auras pas. Et moi, ça m'énerve doublement parce que tout à l'heure, tu étais en train de dire que justement, ils ont attendu parce que on savait, il y avait PlayStation Allemagne qui avait fuité le truc, donc on savait qu'il devait débouler, ils l'avaient vite effacé il y a plusieurs mois de ça. Et là, tu l'attends pas, et puis tout d'un coup, pouf, il sort, il arrive sur le store, il est en vente tout de suite. Donc les types, effet de masse, putain, il y a Wingman, ils vont tous l'acheter en masse. Et il y avait une attente. Je pense que le premier jour, ils ont fait des bons chiffres. Mais c'est ça. Il y avait une attente. Le trailer est arrivé à quel point, par des micros, juste après le départ de Jim Ryan. C'était dans le trailer, justement. Ouais. Et c'était des. Et après, tu vois à quel point ils sont vicieux parce que ils ne distribuent pas de clés à tous les influenceurs, nous y compris, ils ne distribuent pas de clés. Et c'est pas pour rien non plus. Ils le savent très bien que s'ils commencent à distribuer des clés de partout, tout le monde va leur taper dessus parce qu'ils savent très bien que leur jeu, il est pas complet. En fait, on est connu, mais surtout chez les devs, tu vois. C'est sur ça. Donc, pour moi, c'est clairement de la malhonnêteté et puis boycott total, quoi. Ouais, non, mais c'est franchement, moi j'en ai plein le cul. Surtout quand c'est sur PC et que ça fonctionne et que il y a je suis sûr plein de gens qui se sont fait avoir, qui ont vu justement, qui ont le PSVR 2, qui ont faim, qui aiment les S-Combat, qui savent justement que sur PCVR, c'est, ah, toute adoré, la campagne était en VR, ils l'ont vu tomber, ils ont vu marqué PSVR 2, tu réfléchis même pas. C'est sûr que si tu suis pas, que t'as pas les réseaux sociaux, tu fonces. Ou même comme nous sur le Discord où on a échangé, moi j'ai dit je me sacrifie, parce que je l'ai acheté, hein, du coup. J'ai dit je me sacrifie, je vais le prendre. Mais il y avait déjà le attention, il y a que 6 missions, c'est pas le jeu complet. En plus, il y avait des le jeu se lance pas. Enfin, tu vois, donc je pense qu'il y avait des gens qui avaient lancé le mode campagne. Mais non, c'est je pense qu'il y avait des gens qui avaient lancé le mode campagne en fait, mais qui comprenaient pas que le jeu soit pas en VR. Ça basculait pas. Coup, tu vois, voilà. Donc jusque là où va la méconnaissance. Mais comme tu dis, un mec qui suit pas, il se fait avoir de manière régulière. Pardon, il voit putain un projet Wingman. Oh, c'est un jeu d'avion. Ah, oh, c'est VR. Ah, vas-y, je prends. Imagine, voilà, il connaît pas. En plus, il connaît pas trop la VR. Il lance le mode campagne en mode cinéma. Ouais. Il dit, c'est hyper bien. Fortnite en VR. Non, c'est Fortnite en VR. Putain, mais c'est franchement, ouais, franchement, par contre, dire, putain, c'est pas très immersif. Hein. C'est comme si j'étais au cinéma, mais ça marche pas très bien. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Quoi. Mais c'est ça revient au discours d'il y a un mois. Hein. C'est qu'on nous prend pour des cons. Ah, complètement. Mais là, c'est flagrant. Ça commence un petit peu à être flagrant quand même. Sur des jeux comme ça, ouais, non, mais c'est ça en fait. J'ai envie, tu vois, j'ai envie de leur dire, les gars, au bout d'un moment, si vous voulez pas l'assumer, bon, mais l'assumez pas, quoi. Enfin, mais dites-le, voilà. Et comme ça, on arrête. Mais bon, il ferait moins de beurre, même pas, sortez-le pas, quoi, parce que ça fait plus de mal au PSVR 2 qu'autre chose. Donc, qu'ils le sortent, leur jeu. Ils veulent pas une fois qu'ils jouent complet, ben sortez-le pas. On a l'espoir. Ou alors, vous sortez les 6 missions à 10 balles. Oui. Ou alors, est-ce que c'est une première étape? Est-ce que c'est une première étape d'abord ils sortent ça Ouais, alors moi, s'il y a un truc, on aura qui le communiqué de presse bientôt. Alors déjà, il y a le low polygone, les low polygones à outrance et tout ça, ça me gave. Et le deuxième truc qui me gave, c'est que les 80% des jeux qui sortent aujourd'hui sur le PSVR 2, ils te balancent une merde et le jeu il est rectifié 6 mois plus tard. Donc là, ça, il y a ça, on a déjà parlé le mois dernier, ça. Ouais, voilà, les trucs, allez, c'est bon, il y a peut-être une chance, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être qu'ils mettront le jeu complet dans 6 mois. T'achètes un produit, t'achètes ton jeu, tu veux avoir le contenu, justement, il doit être fini et basta, et puis t'arrêtes de prendre les gens pour des cons, quoi. Surtout avec une communication floue comme ça, et en disant, peut-être ça va passer et tout. C'est mensonger, c'est pas bien. Et je sais pas, enfin, j'ai pas envie de taper sur les développeurs ou quoi que ce soit. On sait pas comment ça s'est passé, on sait pas comment c'était. On sait pas si c'est une commande. Ouais. On sait pas si c'est une commande. Mais attendez. J'espère, ça sera encore pire que ce soit une commande, parce que là, ça serait. Bah ouais, c'est clair. Parce que là, venant de PlayStation qui aurait fait une commande, mais c'est pas grave, vous nous faites 6 petits niveaux, ça les calmera, les kékés, et puis voilà quoi. Oh, le casque, il fait 600 balles quand même. Faudrait arrêter de prendre des gens pour. Et ça marche sur PC, bordel de merde. Le jeu, il a 3 ans. Mais c'est surtout ça quoi. Le jeu, il est connu de la communauté PC VR pour être un putain un bon jeu, un bon S-Combat like sur PC full VR. Putain, mais les joueurs de PSVR 2 sont en droit quand même d'avoir le même contenu et d'attendre le même contenu. Ah bah, quand ils voient PSVR 2, quand ils voient Project Wingman qui sort sur le PSN, quoi. Il y en a un qui s'est frotté les mains, encore une fois, il a de l'humour quand même. Alors je connais pas son nom ni le nom de son studio, c'est le développeur d'Ultra Wings 2. Ouais. C'est vrai, qui a dit bientôt, exact. Par contre, je sors un jeu qui est complètement jouable en VR. Voilà, qui est un jeu d'avion bien joué. Aussi. Très bien joué. Ouais. Projet Wingman 2. Il a de l'humour, ce monsieur. Ultra Wings 2. Ultra Wings 2. Et du coup, ça laisse une place encore énorme pour le prochain qui arrive là, qui a l'air alors un petit peu moins beau, on va dire sur la technique, mais et qui traite plus de la seconde, enfin d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai oublié le nom. C'est Conflict Air Conflict quelque chose, non je sais plus le nom non plus. Oui. Et pareil, qui était le concurrent direct de Projet Wingman. Et qui doit arriver, je sais pas si c'est à la fin de l'année d'ailleurs ou si c'est courant 2024. Ace of Thunder. Ace of Thunder, voilà, merci. Est-ce qu'on l'attend normalement celui-là? Est-ce qu'il est full VR? Est-ce que tu vois, enfin, on va où du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Et la confiance. Quand on a ça. Pareil, la confiance des joueurs. Hein. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est à force de titiller, d'essayer des trucs qui se fassent avoir, que la communauté commence à râler, parce qu'en plus sur les réseaux sociaux, forcément, ça va. Ça va vite. Ça. Et pas... Bah, il faut, j'ai envie de te dire, oui. Parce que c'est quand même scandaleux. Dans ces cas-là, bien entendu. Ouais. Mais tu vois, dans la tête des gens, la confiance, hein, c'est important. Et la confiance dans le milieu du jeu vidéo en ce moment, j'ai l'impression que les acteurs en ont plus rien à foutre. Hein. Mais vraiment plus rien à foutre. Hein. Bah, tu vois, on en parlait. Enfin, trop de... Je pense qu'on arrive à ce fameux point du trop d'offres et pas assez de demandes. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois la masse, c'est... On parlait beaucoup du tu vois, le jeu indé était très à la mode il y a 6 ou 7 ans où on disait ouais mais c'est bien les jeux indés, il y a pas que les triple A, les machins, sauf qu'aujourd'hui on est bombardé de jeux indés et puis ben les portefeuilles sont pas extensibles. Et à ça tu rajoutes les événements récents là, des 3 dernières années et ben t'en arrives à une situation qui est compliquée et qui celle qu'on vit aujourd'hui. Donc est-ce que c'est pas aussi le moment de se dire bon ben enfin c'est toujours pareil, c'est aussi le modèle économique de maintenant, mais bon, enfin, je pense qu'on le dit à chaque fois, c'est la rentabilité rapide, il faut faire de l'argent vite. Et est-ce que vraiment avec zéro risque, jeux indés qui, et zéro risque, et est-ce que vraiment avec tous ces jeux indés qui sortent aujourd'hui, est-ce qu'un triple A est encore intéressant et rentable? Quand on voit les sommes colossales qui sont capables d'être dépensées, que ce soit ça en dépend budget du triple A, il faut avoir les reins, faut avoir les reins. Et comme on discutait dans le Discord entre nous, en fait, tous les games as service qui vont arriver, qui sont développés, combien de morts, combien qui fonctionnent, combien de morts avec le pognon que ça fout derrière. Contre, ouais. Ils vont en faire 20, il y en a peut-être un qui va marcher. Et d'ailleurs, je t'avais montré ça, Laurent. Je vous invite à voir une vidéo d'Iconoclast sur YouTube qui parle de ça justement. Sur, qui était très intéressante. Ouais, Game as Service, et avec une réflexion quand même assez intéressante, même si je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce qu'il raconte. Mais en tout cas, pour le coup, c'était vraiment assez pertinent. C'est que ça peut faire très très mal justement à des développeurs et à des éditeurs. Qui ont une situation assise et bien installée et qui peuvent faire énormément, qui investissent dedans et qui se font scier les pattes parce que leur jeu n'a pas marché. Et notamment toutes celles qui sont cotées en bourse, puisque en cas de, au moindre manque de succès, ta valeur boursière chute, donc tes investisseurs mettent plus d'argent, se barrent, les parts sont vendues et c'est comme ça que tu perds du budget, et c'est comme ça que tu fais des jeux moins ambitieux et puis après tu peux finir dans l'oubli, donc c'est faut faire attention. C'est de toute façon c'est ça a toujours été risqué, je veux dire aujourd'hui, la création c'est toujours quelque chose de risqué puisque forcément en général t'as un minimum de parti pris, si tu veux, tu vas forcément dans une direction et tu peux pas plaire à tout le monde. Mais là aujourd'hui, il y a cet aspect du il faut plaire à un maximum de gens le plus rapide possible pour vendre le plus possible. Et à côté de ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune prise de risque finalement et de sur le moyen long terme, il n'y en a pas. Voilà. Et de projets, on va dire, enfin pas originaux, parce que encore une fois, il y en a des trucs originaux. Tu vois, on parlait tout à l'heure du truc sur le jeu là, autiste friendly. On va dire c'est un truc original parce que c'est pas, partir du principe que tu peux adapter ce genre de jeu à tel type de population, etc. Ok, si tu veux, mais c'est encore un autre jeu avec un manque d'ambition pour moi. Enfin, je veux dire c'est plus ça tire, il est ambitieux. Ça tire plus de l'expérience, tu vois. Pour moi, ce jeu-là, le Vacuum machin, tire plus de l'expérience que le truc de Projet Wingman. Dans ce qu'on a dans Projet Wingman, justement, et c'est là où moi j'en reviens sur le fait que ce soit le plus rageant du truc, c'est que ce qui t'est proposé ne t'explique en rien pourquoi tu n'as pas le reste. Et au contraire, te montre que tu aurais pu avoir le reste, si tu veux. Donc c'est là où c'est encore pire, si tu veux. Et c'est pour ça que je comprends pas. Enfin, pour moi, c'est pas une expérience. T'as vu, c'est bon. T'as pas le reste. T'as vu, voilà, c'est ça. N'en mange pas trop parce que tu vas vite avoir bientôt fini. Mais il en reste à côté, mais ce sera pas pareil. C'est ça. Mais par contre, voilà, tu pourras pas jouer avec ton casque. Donc voilà. Tout ça pour dire que je piche pas l'idée, mais... et comme tu dis, c'est là, on est dans un engrenage depuis quelques temps qui est pas bon du tout, quoi. Entre les jeux finis avec le cul qui sont patchés 6 mois après, les rééditions de jeux du casque précédent pour en plus des jeux qui sont pas forcément des bons jeux, qui étaient pas forcément des bons jeux à la base, les super prods qui arrivent qui se cassent la gueule, Finalement, ou les jeux très attendus mais qui sont décevants, finalement, le lancement du PSVR 2 était pas si mal que ça. Non, mais c'est vrai, on en parlait avec Elroco l'autre jour. Franchement, avec ce qui arrive en ce moment, la philosophie et les jeux qui sortent, Tales from the Galaxy Edge, Unanswered Edition, c'est 9 sur 10. C'est les 3 premiers mois, c'était l'apogée, non. Vraiment. Non, mais c'est la vérité. C'est, mais oui, mais c'est triste de dire que c'est vrai. Oui, bien sûr. Et qu'on n'a rien eu de... Ah, peut-être pas, on n'a pas rien eu, mais... Non, il y a eu Synapse cet été, il y a eu Firewall, il y a eu Firewall, mais qui s'est vautré lamentablement, et qui pourrait être tellement bien. Lancement foiré, quoi. Mais ouais. Complètement, alors ça va un peu mieux, mais c'est le gameplay est pas corrigé, le mode ultra est pas là, enfin tu vois ce que je veux dire, on est encore sur des trucs qui sont... Crossfire est bien, il est cool, mais il n'a rien à voir avec ce qui t'a été vendu. Oui, oui, oui. Quand tu joues au jeu, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attends, alors il est fun. Tu regardes le trailer, tu te dis mais c'est Call of Duty quoi, c'est de la coop, c'est faut y aller, c'est pff, ouais, pas du tout hein. Les effets que on a vu sur le tout premier l'effet de l'eau et tout machin, ça casse pas des bouches, mais il y a des petits effets sympas. Attends, les vitres, les particules des vitres qui explosaient et tout, rien à voir. Et puis même au départ, je te disais putain, c'est plutôt pas mal. Tu m'as dit attends, regarde mieux. Ah oui, effectivement, tu regardes un petit peu plus loin. Ouais, non, mais les textures de près. Le jeu est dégueulasse et on est encore sur. C'est ce qu'on disait, c'est de la publicité mensongère. Bon. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est une tradition. Ça devient une tradition à la fois dans les trailers, surtout dans les trailers et dans les bah comme t'as dit pour. Le Ace Combat 7 là. Projet Winman, voilà. Parce que celui-là je l'attendais pas du tout. Moi c'est comme les jeux de bagnole et trucs comme ça. Bof, je suis pas ouf dessus. Mais que même dans le texte des articles et tout, c'est subtil. C'est interprétation. On sait pas. Si tu vois, c'est projet machin, c'est pas vraiment le même type que la version PC. En tout cas, donc c'est normal que je trouve, ça ressemble ce que pas je trouve à la subtil, PC. Moi, c'est que si réellement il y a Sony qui a donné un chèque pour développer ces 6 niveaux pour le PSVR 2 exclusivement, finalement, c'est donc Sony qui nous envoie le message et tu veux jouer à Wingman complet, bah achète un PC. Voilà, donc c'est bien, tu joueras au jeu PSVR 2 complètement, parce que le message jeu Sony, le seul message que j'entends là, c'est que je vais pouvoir tester un petit peu le jeu sur PSVR 2, les 6 niveaux, et si ça me plaît, bah faut que j'achète un PC pour jouer au reste. Bon, par contre, voilà. Si Sony balance que j'espère qu'ils sont pas de mèche, j'espère que c'est pas eux qui ont payé pour faire ces 6 niveaux, parce que au niveau de la communication encore et du marketing, c'est n'importe quoi. Bah après le PSVR 2, si demain il est compatible PC officiel ou non officiel, on ferme tous notre gueule hein, techniquement. Bah non, faut racheter quand même la licence, t'es quand même obligé de racheter le jeu sur PC. Oui, d'accord, mais tu les auras. Mais t'as pas non plus les bourses illimitées quoi. Non mais c'est ce que j'allais dire, on n'est pas tous youtubeurs, influenceurs à avoir 12 casques à la maison. On s'est pas arrosé, moi Winman je l'ai acheté. Winman il l'a acheté. Ça c'est pareil, je veux dire, il y a un moment. De toute façon il nous l'aurait pas donné la clé. Non mais même il faut aussi s'ancrer dans la tête des gens. Enfin moi je me considère même si on a des clés de jeux offertes pour tester les jeux, je me considère comme un consommateur normal. Hein. Moi j'ai un casque dans lequel j'ai choisi d'investir. J'en ai pas 36 si tu veux, donc j'ai pas la possibilité d'aller jouer à droite, à gauche, en haut, en bas. Enfin voilà, moi c'est PSVR 2 et c'est tout. Donc faut aussi se mettre à la place des gens qui investissent dans un casque comme ça et quel message tu leur envoies, c'est tout. C'est aujourd'hui, bon, mais merci d'avoir acheté mon matos, hein. Y a pas de problème, hein. C'est gentil. Bon, mais maintenant t'as ça. Alors, oui, encore une fois, il y a des très bons jeux, mais le top 10, on est en train d'en parler entre nous. Le top 10, il est février 2023. Hein. il est pas après quoi. Là, on est un peu dans un top 5. J'exagère, il y a Synapse, hein. Mais non, c'est là on où on est plus dans un top 5, un top 6 puis, peut-être. Mais et puis 2020, et puis 2024, on a quoi? C'est Wanderer. Ouais, mais Wanderer, on en parlait la semaine, enfin il y a un mois. Ça reste une réédition. Ça reste un jeu qui revient, si tu veux. C'est pas un jeu qui. Putain. Il faut rêver, quoi. Merde, putain. Il faut que quand tu vois un truc, ça te fasse rêver. Projet Wingman, tu vois le trailer, ça te fait rêver. Ouais. Voilà, c'est, ça te donne envie, putain. Vacuum machin, bon, bah, ça te fait pas rêver. Je suis désolé. Synapse, ça te fait rêver. Un truc, un mec qui a des pouvoirs magiques, etc., enfin des pouvoirs de télékinésie, c'est, ça, c'est ça des fait peut-être rêver les autistes. Qui te donne envie de, ouais, qui te donne envie de qui ont acheté de, un casque, qui, voilà, mais de te plonger, de t'immerger. Putain, conduire une bagnole, je veux dire, c'est le rêve de tout gamin quand t'es gamin. Ouais, voilà, tu peux te mettre dans une bagnole, des bagnoles de luxe, ça te fait rêver. Tu peux t'acheter un volant, c'est voilà, ça te fait rêver. C'est des trucs qui vont faire avancer le game. Mais plus on avance, moins tu les as, ces trucs là, quoi. Pour conclure, t'en as très peu et ils vont pas suffire à mon pour avis. Conclure, le dernier c'est Resident Evil 4. Pour conclure, parce que je pense que voilà, ouais, mais il va être mal interprété lui aussi. À peu près le tour et puis. Ce qui va être bien, mais il y a des choses qui vont arriver comme Resident Evil 4 bientôt. Je suis obligé, Laurent. De... pour conclure, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que arrivera quand même un moment où l'industrie et les éditeurs et les développeurs et Sony et PlayStation arrête un petit peu de nous prendre pour des cons, clairement, de nous vendre des choses sur un malentendu, comme c'est le cas sur Projet Wingman. On ne sait pas de qui ça vient exactement. Je pense qu'en commentaire, il y en aura peut-être qui auront peut-être des informations supplémentaires à nous fournir. Oui. On les remercie d'avance. Mais tu peux pas continuer à gérer ta communication sur des malentendus. C'est plus possible, quoi. Autant certains silences, on a réussi à les accepter. Ça fait quand même quelques années, même dans les périodes les plus sombres du PSVR, on a quand même réussi à expliquer, à être pédagogue pour un remerciement, pour un remerciement et un retour. Être pédagogue, avoir de l'espoir, tu veux dire, c'est surtout ça. Pour un retour quasi nul de l'industrie, et ça j'insiste toujours dessus, vu qu'on n'est pas des suceuses, on n'est pas sponsorisé par qui que ce soit, et on est des fanboys de personne, contrairement à ce que certains voudraient faire croire. Mais du coup, ça serait quand même bien d'avoir un petit peu justement une visibilité et un peu plus d'honnêteté et de clarté justement dans ce qui est vendu, quoi. Ce projet Wingman, c'est de l'enfumage, et nous ça nous fait chier, voilà. Alors, je voudrais juste rappeler un petit truc. On parlait de Jim Ryan tout à l'heure. Hein. N'attendez pas à grand chose. Alors, si ça se trouve, je dis ça, mais il va faire des trucs formidables de son remplaçant. Donc, Hiroki Totoki. Hein, donc, il a pas fait un truc du genre. De son prénom. Il est comptable. Voilà. Il a une formation full argent. C'est un financier. Il a pas dit la suite du jeu vidéo, c'est ça ? C'est téléphone portable. Il a pas fait un truc. C'est vrai, il a dit ça ? Ah non, ça me ferait rêver, tu vois. Il me semble qu'il a dit un truc comme ça. Ah bah écoute. Impeccable. Ça promet. Il va sortir comptabilité VR sur PSVR. Je pense qu'on a tout compris. Non, voilà. Enfin, c'est pas le mec. Il a jamais mis les mains dans le cambouis. Voilà. C'est un financier. Mmh. Le mec, il a fait que des études de compta. Il est là pour six mois. Oui, c'est une transition. C'est comme Shuhei Yoshida. Il cherche la nouvelle personne. Et puis, il va sauter. Il va juste faire la transition. Ouais, mais tu sais déjà que la transition, va être longue. Elle sera pas sur de l'investissement, quoi, tu vois. Ben c'est pour ça que tout à l'heure j'étais en train de dire j'espère qu'ils ont prévu le paquet il y a 3 ans, parce que s'il n'y a rien qui a été fait, et parce que finalement là pour l'instant on voit que tous les studios PlayStation, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils sont en train de développer de la VR, et c'est quand même les studios PlayStation, c'est quand même eux qui devraient soutenir le PSVR 2 comme c'était le cas déjà sur le PSVR. On parle de London Studio ou pas? Eh ben oui, par exemple, London Studio qui bosse encore sur pareil, quoi, sur un game as service, et qui ont dit qu'il ne serait pas VR. Alors, et là encore une fois, le projet le plus ambitieux qu'on a fait depuis le début. Ils ont envie de faire des games as service, mais faites un game as service et puis rendez-le compatible VR, qu'on ait au moins quelque chose. Mais là, le constat, c'est quand même qu'il y a aucun PlayStation Studio pour l'instant connu qui travaille sur un titre connu en VR pour le PSVR 2. Il y en a certainement. On pense quand même à Astrobot, mais ce sera peut-être le seul parce que Insomniac ont l'air d'être bien occupés par Spider-Man. Et pourtant, ils ont une connaissance quand même en VR qui est, il y a plein de jeux qu'ils ont déjà sortis sur PC qui pourraient arriver pour faire patienter. Ratchet, quoi. Santa Monica, ils nous avaient pondu 3 ou 4 jeux sur PSVR. Ils étaient là le jour J du lancement du PSVR. Ils sont pas là cette fois. London Studio apparemment ne seront pas en VR non plus. Donc au final, on a un peu l'impression qu'il y a aucun studio PlayStation qui bosse sur un jeu PSVR 2. Moi, j'ai encore espoir pour Astro et pour un Wipeout qui serait fait par Xdev et éventuellement avec le soutien de Wipeout. Wipeout. Mais à part ça, c'est vrai qu'il y a que dalle, quoi. Et au final, et ben, quand tu regardes, que tu fais le constat de tout ce qui est sorti, alors c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ah, il y a 100 jeux, il y a 102 jeux, 104 jeux, je sais plus. Franchement, il y a des jeux qu'on attendait comme, rien qu'au début, déjà, Hello Neighbor qui était complètement flou. Après, on a eu quelques trucs de bien. On a eu Hubris Synapse qui était plutôt pas mal. Mais Green Hell, ça a été une déception. Hellsweeper, ça a été une déception. Switchback, ça a été une déception. Là, Wingman, c'est même plus une déception. C'est à la limite, ils te la mettent à l'envers et voilà. Le pire et qui a quand même lancé la grosse inquiétude, c'est Firewall. Hein. Ouais. Parce que Firewall est présenté comme un PlayStation Studio. Et il est présenté comme un PlayStation Studio et c'est quand même un truc qui est sorti en l'état, contrôlé par PlayStation, etc. Non, mais il a le logo, si tu veux. Il est édité par PlayStation. Ouais, mais donc, je veux dire, c'est pas un jeu Vertigo Games, tu vois. C'est pas un PlayStation Studio. Non, mais c'est. Tu m'as compris. Il n'est pas édité par Vertigo ou par. Ou par Pixel Riff ou qui tu veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a le logo PlayStation Studio, donc c'est quand même un jeu qui est censé passer le contrôle qualité, qui est validé par PlayStation pour être édité par PlayStation. Et le truc, il a un lancement, mais catastrophique. Oui, mais surtout que quand ils sont édités par PlayStation, ils peuvent, s'ils ont des difficultés, ils peuvent être aidés aussi par des studios comme Xdev ou des ingénieurs de chez Sony qui peuvent leur donner des coups de main. Et je suis pas sûr que Spider-Man 2, il soit traité de la même manière. Ah bah non. Ouais, ça c'est sûr. Bah voilà. Donc là, au final, c'est vrai que les joueurs, de toute façon, nous, on est en contact permanent avec les joueurs. On voit bien que même sur le Discord, il y en a la moitié, il y en a même qui sont en train de parler de vendre leur PSVR 2. Les gens sont en colère et ça va faire que monter. Et le pire, c'est que ça peut finir à l'arrêt total du PSVR 2. Puis ils nous diront, il a pas bien marché. Ça a pas bien marché. Finalement, ça s'intéresse plus à la VR. Oui. Mais ils font tout pour, en fait. Oui. Donc... Il faut que ça bouge, il faut que ça reparte et puis voilà quoi. Là pour l'instant il y a quelques titres de temps en temps qui nous accrochent un petit peu, qui disent tiens celui-là il est pas si mal, mais c'est rare. Faut qu'ils aient l'envie et pour l'instant ils nous montrent. On n'est pas dans la dynamique du premier PSVR en tout cas, on est vraiment pas dans la même dynamique. Carrément pas. Vraiment au début. Pas. Ouais. On est dans la même dynamique qu'à la fin du premier PSVR. C'est ça. c'est ça. Enfin un peu plus haute quand même. S'il y a plus de jeux qui sortent parce que la fin c'est vraiment pauvre. Oui. Mais voilà, entre les jeux au niveau de la hype des jeux qui sortent, tu vois bien dans les commentaires, tu vois bien que moi ça me rappelle la fin de vie du PSVR où les gens disaient j'en ai ras-le-bol, j'attends le PSVR 2. Et ben là on est quand même à 7 mois du lancement d'un hardware et les mecs ils ont des fois les mêmes réactions voire même pire sur le PSVR 2. Ils ont dit putain j'ai acheté ça, il y a pas de jeu, je vais le revendre. Il y en a ras-le-bol de leur jeu de merde, il y en a ras-le-bol de... et puis en plus il y a des foutages de gueule au milieu en plus. Alors ça, et le pire c'est qu'on peut pas leur dire Wingman, il a excité du monde sur le Discord, les types, ils étaient comme des dingues. Et le pire, c'est que les gens qui disent qu'ils vont vendre leur PSVR 2, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Alors, il faut quand même leur demander s'ils ont fait tous les bons jeux. Mais après, c'est selon leur goût, de toute façon, donc on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Ils sont pas de mauvaise foi. Il y a des gens qui vont dire je vais le vendre alors qu'ils en ont jamais acheté. C'est ce qui est arrivé sur le PSVR ou qui disait je vais prendre. Là maintenant, le type, il a acheté un truc à 600 balles. Il se dit en ce moment j'ai besoin d'un peu de rond pour mettre de l'essence. Là il y a pas de jeu, je vais le vendre maintenant alors que je peux encore en tirer 400 balles parce que dans quelques temps il voudra plus que 100 balles. Donc, après ça peut arriver qu'une catégorie de joueurs achète une console juste pour un type de jeu ou un seul jeu. Et hormis, honnêtement, GT 7 et peut-être même Resident Evil, parce que Horizon, même si c'est une prouesse technique, on va dire qu'en termes de plaisir de jeu, bon, hormis l'aspect visuel. Tu le termines, tu reviens pas dessus. Tu. Voilà. Si. C'est... Non, là, ah, moi, si, j'ai putain, bien tu vois, j'ai menti. Ah, je l'ai t'as menti. C'est vrai. Je suis en train de me dire, cet été, j'y rejouais. Non, mais tu vois, t'es amateur de jeux d'horreur. Bon, Resident Evil 8, c'est pas vraiment un jeu d'horreur. On n'est pas forcément bien servi. C'est un bon jeu d'action, quoi. C'est un jeu d'action horreur. Oui, c'est un bon jeu d'action. Mais pour celui, tu vois, qui aime le survival horror, tu vois, qui aime vraiment être... je pense qu'il joue pas à Resident Evil. Bah, alors non. Alors par contre, s'il y a bien un genre qui est surexploité, c'est le survival horror. Hein. Enfin, tous les jeux d'horreur. Alors regarde, on a parlé de Bad Dreams, ta propagation qui arrive. Enfin, ouais, mais qui sont pas encore là. Mais on sait pas ce que ça va donner. C'est toujours pareil. Switchback, il était présenté comme un truc, voilà, une suite, une belle suite, tu vois, du premier qui envoyait quand même du steak, hein, honnêtement, à l'époque. Ça te surprenait, ça te faisait crier. Ouais, mais remettez-le. On a déjà parlé de tout ça. Oui, mais on était en 2016. Oui, mais c'est pour dire que voilà que pour le moment, par rapport à ceux qui disent oui, je vais le revendre et tout, c'est vrai que bah là, au niveau de pour combler les attentes de certaines catégories de joueurs, c'est difficile de leur donner tort. Oui, voilà, c'est ça. Simplement, hormis pour certains. Ce qui aurait pu calmer les foules et laisser tout le monde tranquille, mais bon, c'est plus dans la philosophie de PlayStation, c'était de rendre compatibles tous les jeux PSVR au PSVR 2. Bah, c'est dans la philosophie, ce que fait Meta avec son PS3. Tu les rachètes. Donc c'est dans leur philosophie. Moi, perso, oui, mais c'est pas ça qui m'aurait fait acheter un PSVR 2. Hein. Non, mais... Parce que t'as déjà PSVR 1. Plusieurs fois. Voilà, le PSVR 2, faut partir du principe que c'était un nouveau lancement, c'était pour aussi conquérir les anciens et de nouveaux joueurs. Et tu ouvres le catalogue PSVR en y balançant une upgrade avec une petite résolution dynamique, un truc à la con, et terminé quoi. Et je veux dire, déjà, tu profites du catalogue qui a 500 jeux, dont les premiers qui étaient top moumoute. Pardon. Tu reprofites de ton Wipeout que j'ai relancé aussi cet été, là où je me suis bien amusé pendant 3-4 heures. Enfin, je veux dire, voilà, et tu l'auto-alimentes comme ça, et après, ça peut te laisser le temps éventuellement de développer d'autres trucs. Mais je veux dire, finalement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe? Où ils vont et pourquoi ils font ça, et qu'est-ce qui se passe réellement en interne? Je sais même pas s'ils savent où ils vont. Bah, les joueurs vont commencer à savoir où est-ce qu'ils vont. Ils vont se barrer, tout simplement. Ouais. Il y a des promesses qu'on pense ce qu'on veut de la VR autonome. T'as une vision un peu plus claire quand même sur Meta. Ouais, c'est de l'AR. Malheureusement. VR, AR, et puis. Enfin, VR pour t'attirer, mais c'est surtout AR qui arrive. Hein. AR, intelligence artificielle maintenant, c'est ça va être ça. Ouais, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une vision. Quoi qu'il en soit, il y a un programme, tu vois, et t'as un truc plus tard qui arrive. Ce que je veux dire quand je dis ça, c'est est-ce que la VR gaming, finalement, n'est pas en train de s'arrêter? Bah, si ça s'arrête, putain, ça sera un sacré gâchis. Hein. Un sacré gâchis. C'est ça, surtout. Parce que Metaverse, tout ça, que personne connaît, que ça intéresse personne, c'est bien d'avoir... Alors, Metaverse... Metaverse, on n'en a pas trop. Enfin, pour ceux qui ont regardé la MetaConnect ou qui ont suivi un peu l'après, le Metaverse, on n'en entend plus trop parler parce que l'année dernière, ça a été quand même le cheval de bataille de Meta, là, cette année. Parce que tout le monde s'en branle. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde s'en branle. Hein. Enfin, vraiment. Donc, ça, je pense que c'est un peu passé, un peu comme la mode des NFT. Heureusement. Alors, on verra, peut-être ça reviendra. Heureusement, tant mieux. Mais visiblement, aujourd'hui, on te parle plus d'AR. Que de VR, quoi. On verra, messieurs, je vous propose quand même. Non, je vous impose, même. On va pas. On s'arrête là. Ouais, je pense qu'on va. On a déjà bien débattu, bien digressé. Je pense qu'on a quand même un petit peu la suite du programme à continuer rapidement, mine de rien, parce que ça commence à se faire tard. L'inquiétude est là. En tout cas, voilà, vous avez notre point de vue globalement. Je pense qu'on aura l'occasion, malheureusement, de revenir là-dessus et de redébattre à nouveau en fonction des informations qui vont s'égrener par la suite. Ah, je regarde le programme, on n'a rien fait en fait. Mais on n'a pas fait grand-chose, ouais. Donc, on va passer à la suite des tests et rapidement, parce qu'on a déjà fait le test finalement, Lolo, on va parler de Paper Beast. Paper Beast. On a 7 minutes. Oui, mais ça va être rapide. Merci, parce que finalement, il n'y a pas besoin de. Disons que là, déjà, on est sur une proposition honnête, donc ils n'essayent pas de la mettre comme Wingman. Donc, en gros, c'est quoi? C'est un remaster du jeu qui vient de PSVR, avec les nouvelles commandes Sense, les commandes haptiques, pas de rendu fovéal ni de eye tracking dans cette version. Donc c'est le même jeu. La différence par contre, c'est que dans la sandbox, donc le jeu est divisé en deux. Il y a le mode histoire aventure où vous allez enchaîner les niveaux, Et la deuxième partie, c'est la sandbox. C'est un bac à sable dans lequel vous allez pouvoir prendre les petits éléments et créer un petit monde devant vos yeux et le voir vivre et le voir s'animer. Et là, le fait qu'il y a la puissance de la PS5 derrière, vous pouvez mettre beaucoup plus d'éléments qu'avant. Oui. Et les maps sont plus grandes également. Concernant le jeu en lui-même, c'est un petit peu... Genre, je dis souvent que c'est un extraterrestre, celui-là, un ovni. Parce que, justement, là, il y a vraiment une prise de position que on en a toujours marre de jouer toujours au même jeu sur le PSVR et là avec Paper Beast, et ben c'est vraiment un autre jeu, un autre style, un autre dans lequel vous allez être lâché comme beaucoup de jeux d'Eric Chahi en plein milieu d'un monde numérique qui vous a happé lors d'un bug, et vous retrouvez là-dedans sans tuto, sans rien du tout. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, et c'est à vous de comprendre comment ce monde fonctionne pour vous en sortir, pour avancer et pour sortir de là. C'est pas un jeu d'énigme. Très... Voilà, exploration énigme. Exploration dans un, puzzle et dans un univers vivant. Dans un voilà. univers numérique, mais le plus organique du numérique en fait. C'est très bizarre. C'est ça. Oui. Et ce qui est bluffant dans ce jeu-là, déjà, avec moi, je dirais, capote. Parce que je suis toujours en train de râler sur le low polygone et le cel shading, et pourtant, lui, Paper Beast, c'est quand même un jeu qui est quand même un petit peu low polygone et un peu cel shaded aussi. Malgré ça, il y a une création artistique qui est balèze, parce que on n'est pas dans du jeu à la Job Simulator ou toutes les nombreux jeux qu'on bouffe jusqu'à se gaver et vomir. Là, c'est il y a un travail sur le ciel, il y a un travail sur les environnements, il y a un travail sur les animations de chaque animaux de papier, le comportement, la physique, le comportement, la physique de l'eau, la physique du sable, le vent, les animaux quand tu les attrapes, quand ils se déplacent, tu vois leur ossature. Motion capture. C'est de la motion capture. D'ailleurs, chaque. J'ai pas si c'est de la motion capture, mais les animations sont bien faites. Je pense pas que ce soit de la mocap. À mon avis, si. Parce... Oh, je pense que si, mais à mon avis, ils ont dû acheter des. Tu sais, tu peux acheter dans des banques des déplacements de plein d'animaux. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, tu peux très bien acheter juste le squelette d'un éléphant pour avoir juste sa démarche. Et après, tu le calques, tu l'intègres sur ton. Tu crées les bones de ton éléphant. Et après, tu vas calquer ton animation qui est déjà préenregistrée sur ton truc. En tout cas, ça fonctionne super bien. Ce qui est frappant dans ce jeu-là, c'est que t'as vraiment l'impression de pas être dans un jeu. C'est pas des trucs scriptés avec des animaux et une IA complètement débile, ils sont vivants. Tu n'auras jamais la même réaction en fonction de ce que tu feras. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend le jeu si particulier en fait. D'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, c'est un jeu que je fais une fois par an, ce jeu-là. Donc je l'ai déjà terminé plusieurs fois depuis qu'il est sorti. Moi je comprends pas ça. je sais que tu comprends, ça te dépasse, ça se finir les jeux une fois, ok, c'est bien, mais plusieurs fois c'est. Mais voilà, du coup j'ai essayé la version PSVR 2 là pour voir un petit peu la différence. J'ai remarqué et j'ai relancé du coup juste après la version PC pour vraiment me mettre dans la rétine les différences entre les jeux. La version PSVR 2, donc qui est la version améliorée, a des textures plus fines, a un rendu du sable mieux foutu, des ombres projetées qui sont quand même bien plus propres et plus précises, des effets de lumière aussi, des effets volumétriques de lumière en fait dans les grottes par exemple sur les animaux qui sont clairement, beaucoup plus diffus et qui n'existent absolument pas dans la version PC. Donc déjà pour dire que la version PSVR 2 est vraiment une version bien mise à jour et bien améliorée par rapport à la version PC. Mais ce qui m'a marqué, et comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas du script pur et dur. Même si la façon en fait de résoudre les énigmes est la même en fait dans la partie histoire, tu le feras jamais exactement de la même façon. Non. Les fluides ne vont pas réagir exactement de la même façon. Les animaux que tu vas manipuler ne vont pas réagir exactement de la même façon. Et c'est ça justement qui bluffe à chaque fois. C'est vraiment l'impression d'avoir un monde vivant autour de toi, et en réalité virtuelle c'est vraiment saisissant, et c'est pour ça que moi le monde n'a pas besoin de ton intervention en fait pour quand même c'est ça continuer. Quand t'es pas là, t'as l'impression que ça continue à avancer, ton intervention va juste faire évoluer le comportement des animaux, mais par contre tu laisses les animaux se démerder et tout, ils font leur truc en fait, même fonction de la présence de tel ou tel animal, et ben ils vont soit se fighter, l'un va bouffer l'autre. Il y a un moment donné, t'as le truc qui me fait le plus délirer, c'est celui qui ressemble à un plumeau, tu sais, qui débarrasse. Le blanc ou le noir? Bah, justement, quand les deux se rencontrent, t'as l'impression que, je sais pas, c'est le mâle, la femelle et tout. Et puis, tu sais, il se passe un truc, tu vois, tu les regardes, ça peut durer longtemps, mais il y a des réactions, quoi. Mais qui sont. Ils se sentent le cul. Voilà, exactement. T'as l'impression qu'ils se sentent le cul. Mais c'est à un moment où ils tournent. Mais c'est ça qui est génial, c'est que ce jeu-là, en fait, le monde vit sans toi. Et... C'est formidable, ils sentent le cul. Non, mais c'est dans la cohérence de ce monde-là. Et, bah, ouais, comme dit Sate, tu peux relancer une partie, tu feras jamais vraiment la même chose, en fait. Tout réagira d'une certaine manière. Je l'ai vu, alors, pareil, il y aura un petit comparatif entre la version PSVR et PSVR 2 sur la version YouTube. Je l'ai mis, du coup, j'ai fait les deux mêmes passages, et il y a un moment, à la fin du tuto, enfin, tu sais, tu dois redonner de l'eau à l'espèce de grosse bestiole, en fait, et puis ça fait pousser un arbre, et en fait, au final, les, comment dire, les animaux de papier, en fait, prennent des espèces de fruits qui tombent de l'arbre, en fait, et ça les fait s'envoler. Et en fait, bah, dans ma première partie PSVR, tout le monde s'est envolé, et dans la deuxième, non, en fait, il y en a un qui est resté en bas. Et quand tu prends la montgolfière, en fait, tu vas le voir, tu es tout seul, il continue de se balader, il fait sa vie alors que les autres sont partis à perpète dans les airs. Et pourtant, c'est le même, comme tu disais, c'est le même cheminement, tu es obligé de faire les mêmes actions pour pouvoir redonner l'eau à la bestiole, etc. Donc, c'est vraiment, comme tu dis, cet environnement qui est différent. Ah, mais dans certains passages, tu peux te démener, te motiver pour sauver les petits animaux blancs parce que tu as d'autres beaucoup plus sombres qui arrivent et qui les chassent. Et soit tu es rapide, tu essaies de les sauver, donc tu les lèves et tout. Le passage de chasse, ouais. Le passage, voilà, qui est excellent. Nuit, et t'as celui dans la nuit et celui d'avant qui est dans un jour c'est le moment où tu te téléportes je crois pour la première fois, tu comprends un peu les pierres de téléportation à quoi elles servent et t'as le choix hein, soit d'en jeter certains en pâture pour les occuper ou alors de te démener pour les sauver et c'est ça qui est vraiment génial. Alors moi personnellement je l'ai refait le même plaisir, même plus parce que cette fois-ci avec les déplacements libres c'est nettement plus immersif. Enfin voilà, on peut utiliser les deux en permanence. Hein. Il y a voilà, même le combo des deux, c'est plutôt sympa. Surtout que le personnage est relativement lent et oui, c'est un peu lent, c'est un peu dommage. Ouais. L'ATP pour le coup est voilà appréciable aussi. Un perso où tu rush, est-ce que ça enlèverait pas un peu de l'immersion, dire de la poésie? Non, la poésie, un peu le fait que ça soit un jeu quand même relativement calme. Ça dépend des environnements. T'as un environnement, je vais pas du tout rentrer dans les détails, mais vraiment dans la fin du jeu, où moi je me suis amusé à arpenter tout le décor. Ah, toi aussi? Ouais. On doit parler du même endroit. Bah, c'est la fin. Ouais. C'est la fin. J'ai arpenté tout le décor, de long en large, j'ai essayé de trouver toutes les limites de tout le décor. Elles y sont. Avec des petits frissons quand même de temps en temps, parce que. Après, tu vois plus trop. Voilà, des petits frissons. Et ça, il y a que ce jeu-là qui arrive à me procurer ça. Et l'ambiance sonore excellente. Et l'ambiance sonore. Le son est très bon. Le son est ouf. Et le son moi, du vide. Pas de casque. Le son du vide. Ouais. Le bruit sourd là. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'un personnage qui courrait un peu plus vite, ça serait quand même pas dégueu. Quoi. Alors la parade que j'ai trouvée à ça, c'est bon, je suis toujours en train de râler sur cette téléportation, mais c'est quand même bien qu'il l'ait maintenue. Du coup, quand t'es vraiment pressé, que tu vas aller d'un point A à un point B, tu dis putain, à cette allure-là, j'en ai pour une heure. Tu vas en téléportation, t'appuies 15 fois de suite sur ton bouton, tu vas super vite. Donc moi, je tournais avec ça. Après, à la fin, quand j'avais des grosses distances, où tu vas tout au bout du tableau, et puis tu t'aperçois que t'as oublié de faire un truc, tu dis putain, faut que je retourne. La téléportation pour ça, elle est pratique. Quoi. Ah, c'est top. Quand tu dois réagir très très vite. Après c'est vrai que le jeu en lui-même, il faut pas se mentir, c'est le souci, c'est que il y en a beaucoup qui ont dit, il est pas super net, il est surtout très aliasé quand même pour un jeu PSVR 2. Sur PSVR 2, ouais. Il est beaucoup moins que la version PSVR. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même relativiser. Il y a encore un peu d'aliasing sur tout ce qui est au loin. Mais c'est pas non plus non, c'est pas dégueulasse, c'est acceptable. Mais tu c'est sûr que tu compares l'aliasing à Red Matter 2 et à un jeu comme Paper Beast, forcément tu vas pas pouvoir t'empêcher, sauf que les jeux n'ont absolument rien à voir parce que là toute la puissance de la PS5, elle est pas utilisée pour l'anti-aliasing, elle est justement utilisée sur l'IA, sur les fluides, parce que les fluides en temps réel, c'est une catastrophe à calculer et ça prend énormément de ressources, donc le sable, le sable, Enfin, ça fait partie des flux. Hello, c'est la meilleure eau dans un jeu VR. Vraiment, et donc, ce qui, tout ça, ça permet, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire mieux, parce qu'ils vont faire mieux, là, pour l'instant, au niveau le jeu est déjà super samplé, ce qui veut dire que l'image est déjà calculée plus grande que l'image maximale que le PSVR est capable, mais malgré ça, ça retire pas tout l'aliasing, donc ils vont essayer de le monter d'un cran encore. Donc là, ils sont à 1.2 sur le super sampling, et ils vont essayer de faire une mise à jour en 1.3. Donc le faire encore un peu plus grand. L'avantage du super sampling, c'est que tu n'as pas besoin de filtres qui vont te supprimer les crénelures des lignes diagonales pour supprimer justement l'aliasing. Plus ton image sera grande, c'est ce qui arrive sur Red Matter, et au final, plus l'aliasing sera supprimé sans filtre. C'est l'avantage du super sampling, en fait. Donc là, ils vont essayer de faire ça dans une prochaine version. Et il y aura aussi des petites surprises qui sont en développement, mais j'ai pas le droit d'en parler. Donc il va y avoir des petites nouveautés dans Paper Beast très prochainement. On a hâte d'en savoir plus, mais un truc que je viens de percuter, on est en train de pomper le jeu complètement, hein, parce qu'on l'aime tous ici. On est tellement pas crédible avec derrière Laurent, justement, il y a le poster signé par Eric Chahi de Paper Beast. Les mecs sont des putains de vendus, et pff, ils s'en cachent même plus, quoi, au bout d'un moment. Ben voilà. Si j'avais pas aimé le jeu, j'aurais pas mis le poster. Hein. Mais Paper Beast pour moi, enfin. D'ailleurs, c'est le seul poster qu'il y a dans la chambre. C'est vrai. Comme par hasard, c'est vrai. Il n'y a rien d'autre. C'est le hasard, quoi. Non, on pensera nous faire les versements promis loin. Ouais. Tu on se mettra d'accord sur. Je sais sur pas la... moi. Mais 20%. Tout gamin, j'ai découvert Another World sur Super Nintendo. Le deuxième, c'était quoi? Darkness. C'était quoi déjà le nom? Earth of Darkness. J'avais trouvé plus classique. J'ai jamais essayé le troisième. C'était Dust. J'étais content de retrouver. C'est le papa de Paper Beast. Cette liberté en fait. Dust. Ouais, carrément. Ouais. Mais là, moi, ce qui m'a plu dans celui-là, c'est que j'étais content de retrouver cette liberté où on te lâche et tu te démerdes. Et tu à l'ancienne. Tu t'es dans ton monde, et voilà. Et c'est peut-être pour ça pas que. Je vois Sanguine et puis, de Smoke. Toi. Et puis. Si. Mais l'autre truc. mais l'autre truc, c'est qu'il le est combo. Il est différent des jeux qu'on se mange. Et c'est vrai que, à force, sur 100 jeux, là, il y a beaucoup de jeux qui sont un peu. Avec les mêmes mécaniques, avec les machins, et celui-là, il te permet de souffler un peu. Alors ça, c'est sûr que je suis toujours un peu déçu de voir qu'il est limite un peu boudé, alors qu'il mériterait d'être complètement bien plus boudé. Connu que ça. Si vous avez envie d'essayer un truc qui est pas comme ce que vous avez l'habitude de jouer, foncez quoi. Bah si vous voulez savoir ce que c'est qu'un jeu organique en VR, voilà. Je l'ai déplacé dans les coups de cœur, malgré ses problèmes de flou, malgré ses problèmes d'aliasing, je l'ai quand même mis dans les coups de cœur. Il est pas aussi net qu'un Red Matter. Il est pas aussi net que sur PC. Ouais, enfin, tout est relatif, quoi. Il est, mais, ah oui, oui. Par là, il est moins flou que Hellsweeper, quoi, tu vois. Enfin... Ah bah, carrément, oui. Ah non, mais bon, il est tout à fait jouable, et puis quand tu finis le jeu, t'en es même à te dire, il est super beau, ce jeu. Donc, tu te dis, non. Je dis qu'il est flou, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il était flou. moi, perso, je l'ai pas trouvé. Il est pas à la résolution du casque, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bah, il est peut-être pas à la hauteur de, je le trouve et plus pourtant, net que Moss 2, tu vois. Il est pas à la résolution du casque. Si, il est au-dessus de la définition. Si, il est au-dessus, il t'a dit 1,3. Ah bon? 1,2, ouais. Bon, bah ça il est au-dessus, pas. Mais. Ça le, alors, est-ce que le fait d'avoir si, des perses. Non, mais puis il y a aussi le souci, c'est que le fait d'avoir des personnages en papier avec énormément d'angles, dès que tu as une arête avec un angle, ça te crée un escalier. Donc, la façon dont il est traité, vu que c'est quand même que des trucs taillés, c'est du papier, donc c'est que des angles, est-ce que ça génère pas plus d'aliasing qu'un truc où ce serait plus organique avec un fond JPEG derrière et puis tu vois rien? Par exemple, Red Matter 2, il y a des fois, c'est peut-être une vidéo qui tourne, c'est pas forcément un fond, les planètes ne sont pas forcément modélisées. Tu vois bien les nuages qui bougent, mais tu sais pas trop si là, à mon avis, ils vont l'améliorer. Mais bon, il est loin d'être catastrophique. C'est dommage de le bouder. Et puis, c'est une bonne pioche, quoi, clairement. Surtout en ce moment, avec tout ce qui sort, quoi. Après, je vais redire ce que je disais tout à l'heure. C'est pas un jeu qui fait rêver. Ah non, et puis de loin, c'est surtout pas un jeu qui plaira à tout le monde. C'est un jeu de ressenti, en fait. C'est un jeu de ressenti. Voilà, donc je reviens à ce que je disais. Malheureusement, il a pas eu de succès, mais c'est pas un jeu qui fait rêver. C'est ce qu'on appelle un peu un second couteau, quoi. Tu vois, c'est un jeu qui est là pour être vendu quand tu as déjà toute la grosse masse de jeux très ambitieux qui ont ameuté des gens, si tu veux, et qui veulent découvrir des trucs un peu différents, quoi. Et c'est là où il trouvera son succès. Mais malheureusement, c'est pas un jeu qui fait rêver. De prime abord, comme ça, enfin, tu vois des trucs qui bougent, voilà. Tu fais la plupart des joueurs, ils présentaient comme ça. Plage, quoi, voilà. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Après, j'aime beaucoup le jeu, tu vois. Je te dis, j'ai joué, en plus, alors tu vois, moi qui aime pas refaire les jeux, j'ai quand même été obligé, forcé de refaire deux fois la même chose. Mais j'ai quand même pris plaisir et j'ai continué un peu plus longtemps sur la version PSVR 2, tu vois. C'est vrai que ceux qui le découvrent, il y en a la moitié qui comprennent même pas, c'est le but du truc en fait. Tu le regardes comme c'est particulier si tu veux. Après, faut un peu de jugeote, faut réfléchir un peu. Mais enfin, quand tu vois une bestiole qui s'effondre dans un désert avec une grosse flacasse d'eau là-bas, tu te dis bon, ben elle a soif quoi, tu vois. On va lui donner à boire. Donc ouais, bonne pioche. Peut-être ça qui fait mal à réfléchir. Plaît, donc, je vous invite à aller voir la preview qu'on a fait pour déjà plus en voir dessus. Et puis voilà, bonne pioche. Et puis voilà, on en a déjà parlé de nombreuses fois de ce jeu-là, jeu qu'on aime beaucoup, qu'on continuera. Si la mise à jour est payante ou gratuite, continuera à mettre en avant. 4,99€. Coupez-moi la parole. Il y a pas de problème. Oui, surtout, parce qu'on a oublié des détails. Marchez-moi sur la gueule. Je kiffe. Il y a pas de souci. Donc un jeu qu'on aime beaucoup et qu'on continuera surtout à mettre en avant. Et puis voilà, avec l'interview, on le rappelle aussi à chaque fois qu'on en parle, qui est disponible sur en podcast en entier et puis sur une petite version condensée sur YouTube, n'hésitez pas à retourner la voir. Je vais passer sur VR Skater très très rapidement. Un jeu de Deficit Game, on remercie Purps Game de nous avoir fourni la clé sur Pico et sur PSVR 2. Ça va être un speed test, mais voilà, mode flash. C'est un jeu de skate. Du coup, assez compliqué à prendre en main. Je pense que Elroco, tu pourras plus soyer. Alors en fait, c'est moi là où j'ai vraiment été bloqué, c'est quand il faut passer après le tuto où on t'explique vraiment toutes les manipulations qui sont gérables, hein, mais par contre il faut se faire une mécanique de cerveau, vraiment toute une logique. Le grab, le super grab, le double front grab, le triple front flip, kick, double flip, le backside. T'as tout sorti, tout ce que tu connaissais là. Les flips et les flops. Ah non, mais justement le flop, mais je suis débile, mais j'ai pas réussi à le faire parce que quand tu rentres dans la deuxième partie du jeu, il faut faire c'est le mode challenge que j'avais lancé, et que il faut vraiment faire tout ce qu'on te demande, sinon c'est retry. Ah tu passes pas, tu passes pas sinon. Tu passes pas, c'est net. Allez hop, tu recommences. C'est un jeu très exigeant, très physique, effectivement, qui demande une grosse gymnastique du cerveau, quoi. Pour pouvoir tout faire, où tu peux quand même, si tu t'investis suffisamment, avoir des bonnes sensations, j'imagine. Il y a une bonne sensation de vitesse, notamment. J'avais compté, je crois, 7 ou 8 environnements différents, qui sont pas très très grands, mais qui sont quand même suffisamment diversifiés pour se justifier, tout simplement. Ça manque un petit peu de vie sur les cartes. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'animation quand même, des chats qui passent, des voitures qui se baladent au loin, peut-être quelques piétons, tu vois, pourquoi pas, que tu aurais pu essayer d'esquiver. Ça aurait pu être intéressant. Pourquoi faire ? Pourquoi faire pour avoir un petit peu de vie, et ça participe surtout à l'immersion et au côté immersif et vivant de... Après, ça aurait pu rajouter des obstacles. Et mais des obstacles mouvants. Vivants, tu vois, parce que le but du jeu, c'est de faire des tricks. Si j'ai bien compris, c'est pas simple de se déplacer non plus. En fait, c'est un coup de main à prendre. De ce que j'en ai vu, c'est un couloir, en fait. C'est-à-dire que tu pars d'un point A pour aller à un point B. C'est ça. Et entre le point A et le point B, t'as des obstacles que tu dois éviter, enfin, prendre pour faire des tricks, des combinaisons, etc. C'est ça. Quoi. Justement, avoir des voitures qui passent. Du coup, c'est quand même très linéaire, quoi. Oui, mais justement, avoir des bagnoles qui passent, qui traversent la route, avoir des chats à esquiver, avoir des grands-mères ou des trucs comme ça aurait pu être aussi sympa à rajouter. Je suis très Tony Hawk Underground, donc c'est pour ça. Ouais, non, mais t'as raison, hein, parce que tu vois, j'ai l'air, mais avant que Elroco me parle de celui-ci, je l'ai relancé, enfin, j'ai lancé le remake de Tony Hawk, et c'est vrai que bah, le truc il est quand même, ouais, t'as quand même un peu plus de vie, quoi, enfin, c'est ça, un peu plus animé. Donc il y a ça, mais bon, après, moi c'est pas trop mon kiff, hein, ce genre de jeu là. Néanmoins, plus j'y jouais, plus j'appréciais. Je pense pas que je vais non plus trop continuer. Je pense que c'est un jeu aussi à faire découvrir aux gens qui ont quand même une petite connaissance de la réalité virtuelle, parce que t'as tendance sur ce jeu-là à perdre assez facilement l'équilibre lors des accélérations et des rotations. Faut quand même être bien sûr de tes appuis. Ouais. Voilà, et avoir vraiment absolument personne autour de toi pour surtout quand tu tournes, t'as le corps qui bouge quand même tout le temps. Quand t'accélères aussi, hein. Quand t'accélères vers l'avant, là, tu mets des coups de, ouais, tu fais des moulinets en fait avec ton bras. Tu tires, ouais, tu moulines. Ouais. Pour avancer. C'est un jeu à score. C'est un jeu en tout cas, d'après ce que j'ai vu, qui a des bons retours, quelle que soit la plateforme, que ce soit sur Pico, sur Steam ou j'imagine sur Quest. Hein. Donc, voilà, je pense que ça doit avoir son public. C'est une ambiance aussi très 80s et années 2000 au niveau de la musique. Ça passe bien. Offspring et compagnie. Non, c'est pas Offspring. Non, c'est non. Des groupes un peu c'est plus obscurs que ça. Punk. Mais ça reste. Non, mais dans l'esprit. Quoi. Ben voilà, punk californien ou rap West Coast. Plus Blink. Bien l'ancienne. Voilà. Bien l'ancienne. Ouais, Sum 41, tous ceux qu'on connaît bien. Sum. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, je le conseille pour les gens qui seraient intéressés par ce genre d'expérience. La physique en tout cas, et puis exigeante, en sachant que voilà, le jeu ne vous fait pas de cadeaux, même dans les tutos. Donc voilà, on a eu donc la version 6 Pico 4, où la grosse différence en fait, c'est qu'il y a quasiment pas de variété de décor dans la version Pico 4. En fait, c'est toujours du skatepark indoor. Là où tu as des décors un peu plus ouverts, même carrément plus ouverts sur PSVR 2 et plus diversifiés. Ça reste, après, au niveau de la technique et au niveau de la prise en main, exactement le même jeu. Au niveau des obstacles qu'il y a sur les décors, c'est exactement les mêmes endroits. Tu as juste en fait la skin en fait du décor qui change, tout simplement. Après, tu as un système de niveau qui te permet ensuite de débloquer tout ce qui est cosmétique pour ta planche, pour c'est tout d'ailleurs. donc voilà, allez voir le test sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous explique un petit peu tout ça, c'est illustré, la preview, merci de préciser. Et puis voilà, je vais pas en dire plus sur ce jeu là À vous de voir. Pour les fans de skate, c'est une bonne pioche. Pour la fan de skate, apparemment, c'est une grosse référence. D'ailleurs, c'est une des seules références. Alors, est-ce que, vraie question, du coup, est-ce que c'est quand même full motion gaming, hein, ouais. On est d'accord, ouais. Que ce soit les bras, ouais. Les jambes, les genoux. Ouais, est-ce que le fil n'est pas trop dérangeant? Non, franchement, non. Franchement, non. Parce qu'à la base, c'est un jeu qui est sorti sur autonome, ouais. Hein, donc qui a été pensé pour du sans fil. Donc, ouais, vraie question quand même pour ceux qui. Ah, franchement, alors, qui sur certains tricks, ouais, si. Il y a. Tu sais, quand tu dois faire des diagonales avec tes bras. Ouais. Ceux-là qui sont vraiment les plus techniques, parce que tu prends ta planche, tu la mets vraiment de travers et tu glisses sur la rampe. Alors, je sais plus s'ils appellent ça des noses ou des. Bref. Tu glisses sur la rampe soit avec l'arrière du skate. Voilà, exactement. Avec l'arrière du skate ou alors avec le devant du skate. Et oui, c'est vrai que là, tu peux balancer tes bras, tu taperas juste dans le fil. De là, ce que ça te gêne. Non, non. Si ton fil est bien le long de ton corps, ça va. Et en plus, le truc, c'est que comme c'est d'un point A à un point B, toujours en ligne droite. Même sur le mode skatepark, quand tu arrives au bout de ton skatepark, en fait, la rotation et le demi-tour se fait automatiquement. Tu arrives en haut de ta rampe et tac, ensuite tu te retournes, un petit peu comme dans certains jeux à monde ouvert où tu arrives au bord de la map et en fait, ton personnage il se retourne automatiquement vers le centre de la map, direction du centre de la map. Donc c'est un petit peu le même système. Donc en gros, t'as pas ça a beau être du motion gaming, t'auras pas à faire des 360, tu vois, pour te déplacer sur une carte. Voilà. Mais c'est là en fait la plus grosse gêne que je voyais. Donc, a priori, non, si ton fil est bien contre toi, même si tu fais des mouvements, des moulinets avec tes bras. Après, on n'est pas des fous furieux du skate, hein, mais je pense que. Ouais, non, ça s'est vu. Ça s'est vu. C'est compliqué. Ok. Ok. Bon, bah écoute, à conseiller si vous êtes fan de skate, du coup, et puis bah. Si vous êtes mince acharné et que vous n'y connaissez rien, bah écoutez, vous pouvez la tenter aussi. Ok. Speed test, encore plus speed que ce précédent test. T'as essayé Rainmatter sur PSVR 2, Lolo. Est-ce que c'est aussi beau que Rainmatter 2? Presque. Merci Lolo. Et donc voilà. Non, pour ceux qui ont adoré Rainmatter 2, qui ont trouvé le jeu qui est, à mon avis, le plus net et le plus clean qui puisse y avoir sur PSVR 2. Rainmatter aussi quand même. Song in the Smoke. Mmh. Ah, il est beau, il est beau. Il nous fait chier. Et depuis la mise à jour de No Man's Sky, c'est autre chose. Hein, ouais. C'est vachement plus net aussi No Man's Sky, et c'est trop bien. Donc Rainmatter, non, et ben si vous avez adoré le 2 et que vous connaissez pas le 1, et ben allez-y, parce que ils ont, à mon avis, utilisé le même traitement. Alors là où Rainmatter 2 tourne à 120 FPS, là on est à 90 FPS, donc certainement que bon, c'est un jeu qui est plus vieux, donc il était peut-être pas forcément ils ont peut-être été obligés de diminuer le framerate pour arriver à avoir à prioriser, on va dire, la qualité graphique. Au niveau des textures, c'est nickel. Au niveau de la netteté, c'est nickel aussi. Le jeu est magnifique. Bon, beaucoup plus court que Rainmatter 2, hein. Faut compter les 4-5 heures, il est bouclé. Il y a beaucoup moins de vie aussi. Vous n'allez pas rencontrer d'ennemis, de robots, de choses comme ça. Donc c'est quand même un environnement plus fermé que le 2. Mais globalement, bah, ça reste le premier opus. Et puis, je le conseille parce que le 2 était bien. Et faites les deux. C'est, en ce moment, en tout cas, avec tout ce qui sort, s'il y a des trucs à faire, si vous les avez pas fait, faites-les. Ça, c'est la partie Alroco. Ouais. Alroco, il y a un bundle. Pourquoi il y a un bundle? Un bundle, c'est... Bah, il y a... Ok. Non, mais pourquoi c'est la partie... Pourquoi c'est ma partie? La partie Alroco, c'est quand il y a des boîtes. Parce que t'aimes les boîtes, je sais pas... Ah, mais il n'y a pas de boîte. Mais un bundle, c'est pas une boîte, forcément. Ce sera juste un duo, même en numérique. Tu m'emmerdes, j'essaie de te mettre en avant. T'as l'air de t'endormir. Non, par contre, ce que j'allais dire, c'est que le tout premier, il a été édité par Limited Run Games. Donc voilà, on l'avait pour une 50aine d'euros, avec les taxes, tout ça. Là, vu que Limited Run, ils sont pas spécialement dans la nouveauté, l'édition de jeux PSVR 2 nouveau, ils font beaucoup de rééditions, donc énormément de Tetris. Ils ont fait Song in the Smoke. Faut reconnaître ça. Mais sur PSVR 1, par contre. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais pour le coup, faut reconnaître. Ils ont fait un truc nouveau, mais. Ils refont par exemple Thumper, ils ont relancé Thumper, ils ont relancé Tetris Effect Connected. Donc, qu'ils avaient déjà peu de temps auparavant vendu sur PlayStation VR 1. Donc là, ils font de la réédition à fond la caisse. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait juste celui-là et qu'ils revendent peut-être plus tard, mais qu'ils fassent pas, je les vois pas faire un bundle, une boîte contenant les deux. Clairement. Non, mais le bundle existe sur le store. Oui, sur le store. À 39€, où il y a le 1 et le 2. Voilà. Mais en physique, je le vois bien, le 1 revenir comme ça. Ouais. Juste le 1. Franchement, une petite boîte avec les deux. Ah, mais clairement. Moi, je me laisse carrément tenter. Avec un petit. Comme une édition de Song in the Smoke, un peu limited collector entre les deux. Ah ouais, moi je me laisserais tenter aussi. Bah clairement, hein. Tu rajoutes un steelbook bien classe dessus avec le logo de Rainmatter, voilà quoi. Ça le ferait, mais par contre on va douiller. Hein. Et la mise à jour est gratuite d'ailleurs pour les possesseurs de la version PSVR 1. Voilà. Et bien sûr, Rainmatter 1, direct dans les coups de cœur également. Tout simplement, propre et net. Parfait, mais moi je me laisserais bien tenter, et puis en plus vraiment c'est le genre de jeu, tous les détracteurs de la VR qui disent c'est des jeux PS, enfin ça ressemble à de la PS2, c'est moche, ça pixelise, c'est pas beau, c'est flou. Ah ouais, attends, tiens, voilà, tu mets ça sur le crâne de ton petit camarade, tu dis voilà, C'est ça, ça peut être ça aussi la VR. C'est comme ça. Ah ouais, mais c'est mou. Ils sont où les ennemis à tuer? Je veux ma Kalachnikov. Voilà, tu... Moi, je préfère Call of. Voilà, rendez-moi mon Call of. Comment on fait pour crafter? Ah non, mais là c'est long. Là c'est lent. Hein. C'est très très lent. Bon, tu as de la TP fluide qui permet d'accélérer les choses. Bah, tu peux même te sauter de tout au loin de la map et tout assez rapidement. Mais c'est vrai que c'est un rythme très très lent où il faut observer, comme un peu Paper Beast. Hein. T'observes ton environnement. T'as une énigme, en général, quand t'es bloqué, voilà, il faut observer, trouver. On te balance dans une base sur une autre planète et tu te démerdes, tu avances. Voilà. La base a été confinée, à vous de savoir pourquoi. Et puis l'histoire est plutôt pas mal. Ça débouche directement sur le 2. Bonne ambiance. Qui est encore plus magnifique. Et avec des effets, mais bluffants, quoi. Et le 1 va être chatoyant. Faites le 2, mais. Vous allez tomber amoureux. C'est une belle évolution. Si vous avez fait ni l'un ni l'autre, ouais, faites le 1. Et... Ceux qui ont fait le 2, et ben, forcément, il est plus vieux, donc il est un peu moins bien que le 2. Ça peut se prendre comme un prologue. Après, il a son charme aussi. C'est sympa. Ouais, c'est sympa quand il a son charme. Après, c'est sûr que Redmatter ou Redmatter 2, tu leur balances des bestioles qui se baladent de partout avec une IA comme Paper Beast, ils ne seront pas comme ça. Hein. Ils crèvent. Ouais, à mon avis, c'est clair. C'est clair et net. Très bien. Bon, bah, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On l'attendait. On l'espérait. Donc, ça arrive, c'est cool. Est-ce qu'on termine par Vals of the Wizard aussi, Laurent, que tu as eu l'occasion de tester avec un énorme plaisir, d'après ce que j'ai compris? Oui, enfin, alors, bon, Vals of the Wizard, c'est un jeu qui est sorti en 2019 sur Steam, qui a eu un bon accueil quand même. Bon, le souci, c'est que c'est. Je dis jeu, mais moi je dirais plutôt expérience VR que jeu. En gros, ça consiste à faire des potions. Donc vous avez une grosse marmite devant vous, vous allez mélanger plein d'ingrédients dans un premier temps. Grâce à ces ingrédients, vous allez mélanger des produits entre eux, vous allez faire des sorts. Donc je crois qu'il y a 12 sorts en tout, qui sont assez faciles à débloquer. Hein. Il suffit juste, t'as deux bouteilles, t'as trois cristaux et t'as deux autres trucs. Et si tu multiplies tout ça, ça te fait 12 sorts en tout. Mais en fait, globalement, c'est pas vraiment un jeu, c'est un petit peu, c'est pareil, là t'as pas tuto, tu t'arrives devant, démerde-toi. Alors ce qu'il y a bien là-dedans, c'est que la pièce est assez petite, mais tu peux quasiment tout attraper. Donc là, les gens qui aiment bien tout choper, tu peux tout attraper. Tu peux même, des fois, il y a un rat qui se balade par terre, tu peux prendre l'arbalète et puis tu embroches le rat à coup d'arbalète, ça marche comme à la maison. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est pas moche, c'est plutôt joli. Globalement, par contre, ce que je dis, c'est que moi, là où je coince, c'est que c'est très daté. Ça fait très expérience du début de la VR 2014-2016, où c'est que tu n'as quasiment pas grand-chose à faire. Tu veux, oh tiens, il y a un livre, je vais regarder le livre. Si je mets ça dedans, ben, t'as un peu l'impression d'être dans un bac à sable de sorcier où tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Et au final, bon, alors après cette pièce va s'ouvrir parce que en gros c'est un espèce de château avec 3-4 pièces. 3-4 grandes pièces, et tu vas passer d'une pièce à une autre, toujours en faisant des petits trucs. Par exemple, pour ouvrir une porte, il va falloir que tu mettes 3 flèches dans une cible, plus que tu fasses 3 trucs, plus que tu fasses 3 autres trucs, et à ce moment-là, la porte va s'ouvrir. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Tu avances, il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de gros trucs de jeu à proprement. C'est plutôt des mini-jeux. Où tu vas avoir, par exemple, je sais pas, tu prends l'arbalète et puis tu vas avoir des cibles, il va falloir tirer sur toutes les cibles sans en louper une. C'est que des petits trucs comme ça qui et au final, au bout d'une heure, ou deux, moi déjà, j'étais en train de me dire, c'est plus une expérience VR comme peut-être on a connu heures, au début hein, du lancement du PSVR. Plus de 2 heures, hein, parce que j'ai dû jouer au moins 3-4 heures. Mais j'ai joué un premier soir 2 heures et le lendemain, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, je vais le refaire. Je vais continuer, quoi, et puis pour voir si ça allait plus loin que ce que je pensais. Et ça plaira peut-être à ceux qui connaissent pas du tout la VR, ça va plaire. Alors, peut-être. C'est un petit puzzle game, moi il y a quand même un problème majeur dedans, c'est l'anglais. Ah oui, exact, en plus c'est tout en anglais. Ouais. Ah, mais tout en anglais, tout en anglais, non sous-titré. Il n'y a pas de sous-titres français, voilà. Et il y a aussi une petite feature où tu peux Fais gaffe si tu l'avais dit. Tu peux parler, en fait. Tu as une reconnaissance vocale où tu peux dire les sorts à haute voix, de manière à les faire, en fait, s'activer en mode vocal. Sauf que c'est, encore une fois, full anglais et que en fonction de l'accent ou de ta prononciation, si tu dis que t'as pas le bon. Et puis il y a un double problème, ce genre de truc, c'est que déjà, si t'as pas le bon accent, il va pas comprendre ta phrase, donc ton sort, il va pas marcher. Il n'y a jamais d'urgence, hein. Il n'y a pas un méchant ennemi qui va te foncer dessus et il faut dire ton sort à tout prix aussi. Donc mais par contre, l'autre problème, c'est que si par exemple tu te dis, tiens, tout le monde est couché à la maison, je vais me faire une petite partie de Walls of Wizard, tu vas vite te prendre un oreiller dans la tronche de la part de tes enfants parce que tu vas parler, t'es obligé de parler pour jouer. Donc ceux qui veulent y jouer calmement, tranquille, faut mieux s'isoler et pas déranger parce que vous allez faire du bruit. Et puis après, il y a aussi certains niveaux où c'est que tu as des ennemis. C'est des espèces de trucs en pierre qui vont essayer de te toucher et de te tuer, quoi. Mais même là, je trouve que c'est vieillot comme au niveau de la comme définition. Mécanique. C'est vieillot en mécanique, 2019. C'est vieillot en look. Même les textures des machins, tu te dis putain, c'est de la texture plaquée classique. Et au final, tu vois, tout à l'heure je parlais de Paper Beast ou de Red Matter, c'est le genre de truc, tu achètes ça, tu vas y jouer 2-3 heures, et au bout de 3 heures, je pense qu'il y a la moitié des gens qui auront déjà laissé tomber parce qu'ils en auront marre de mélanger leur fait le tour pour faire des potions, quoi. Ouais. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'est pas sorti sur PlayStation VR 1. Si, il était sorti sur le 1. Parce que je le trouve pas sur le store. Je le cherchais justement en pensant qu'il y était si. Et je ne le trouve pas. Mais par contre, je trouve bien le trailer comme quoi il était annoncé sur le premier PlayStation VR. Il était sorti et sur le... Si, il était sorti. Il me semble qu'on en avait fait un test même, ou une vidéo, ou un truc. Mais je me souviens plus. Il me semble qu'on avait fait un truc. Ou peut-être un article dessus, je sais plus, mais on avait fait un truc dessus. Voilà, c'est... C'est pas un truc. Je vois même pas. Si, ça va peut-être être sympa pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la VR. Après, pour le reste. Et qui adore les trucs de magicien. Mais bon. Et qui parle couramment anglais. Voilà. Ça commence à restreindre un peu le truc. Donc, grosse niche quand même. Ah, mais là, carrément. C'est grosse niche. Public français, grosse niche. Ah ouais, c'est pas un truc qui t'éclate et puis t'y retournes pas, quoi. C'est pas. Ouais, bon. Sauf si t'es vraiment un gros fan. À essayer pour les petits magiciens en herbe, pourquoi pas, qui découvrent du coup la réalité virtuelle. Merci Laurent. Moi je suis curieux quand même. Ouais, non, pas du tout moi. Franchement, ça m'intéresse absolument pas. Ouais, tu vois, je disais pareil, mais finalement, je suis un peu curieux. Mais après, bon, l'anglais, ouais, c'est chiant. Eh bien, j'avoue. Parfait, Majo, tu vas pouvoir du coup nous faire le test complet de. De. Pas du tout. Non, non, quand même pas, faut pas déconner. Hein. Non. J'ai arrêté ça. Je teste que les bons jeux maintenant. Excuse-moi, monsieur. T'as bien raison. Ok. Je pense que du coup, on a fait le tour pour cette émission. Une émission de bientôt 2h45 quand même. Hein. C'est histoire de nous faire pardonner de ne pas avoir fait l'émission. Donc, il y a 2 semaines. Projet Wingman, il y avait matière. Hein. Projet Wingman, on a encore beaucoup de choses à dire et je pense que dans les semaines à venir, on aura encore certainement d'autres coups de gueule à peu près du même acabit à vous sortir. N'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir des missions dédiées? Est-ce que vous trouvez que la façon dont est traité le public du PSVR et même de la réalité virtuelle en général est la bonne? Voilà, n'hésitez surtout pas. En tout cas, n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur le Discord et puis à partager, à liker, à nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. En tout cas, toujours dans le respect, c'est toujours pareil. Si c'est uniquement pour troller avec des affirmations sur d'autres castes en étant complètement. Ouais, vous pouvez, il y a le bouton supprimer commentaire. Allez-y, à vos risques et périls, hein. Il n'y a pas de problème, on est ouvert, mine de rien. En tout cas, la discussion, au débat constructif, si c'est uniquement pour tracher, ça ne sert à rien et ça n'intéresse personne. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez le jour, une bonne soirée si vous nous écoutez le soir. On vous retrouve c'est nouveau, ça. Dans deux semaines. Je suis Monsieur Innove 2023. Je suis fatigué, mon cerveau, je ne contrôle pas ce que fait mon cerveau et ce que dit ma bouche. Donc voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à dans deux semaines et puis ciao. Ciao. Salut. Ciao. Bisous. Il y a déjà un petit bisou bisou en retard. Bah, il le dit au moment où l'information arrive chez lui. C'est ça. Il fait ce qu'il peut. Toujours le jet lag. Putain, vous êtes gros méchant. C'est vrai, mais t'aimes ça être qu'on soit méchant avec toi. Hein, mon salaud. Moi, c'est parti hein, depuis tout à l'heure. Ça fait déjà une demi-heure que j'enregistre. Allez, c'est parti, l'enregistrement. Allez, moi j'ai lancé là. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai lancé là. Je fais de la corde à sauter. Vous me fatiguez, les mecs. Vous me fatiguez. Voilà. Ça, c'est une dédicace pour, je sais pas qui c'est Philomène qui a dit, ouais, c'est dur d'énerver ça. Et ben non, tu vois. Là, il boue depuis tout à l'heure. Là. Nous, on n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé encore, il n'est pas loin du débordement. Absolument pas, je reste tout le temps zen à l'extérieur. Bon, allez, c'est parti. À l'intérieur, c'est le Vietnam. Ah, par contre, à l'intérieur, ça bouillonne, ouais, ça c'est sûr. Salut tout le monde, c'est... Ah, ça faisait longtemps. Ah, c'est ça faisait très longtemps. Il y a un décalage chez le Rocco aussi.